de palmarès. C'est fou, 89 ans. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Stéphanie nous fera découvrir un nouvel album dans la discothèque de C'est fou, oui, dans le poste d'écoute, et on vous suggérera quelques façons de mieux vivre dans les instructions d'assemblage. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 2 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Rocktober! Ouais, c'était trompé. C'est le 2 Rocktober. Oh yeah! Ah, salut Steph. Salut Matt. Ouais, t'as ton petit chandail avec un petit panda, tu. Oui. C'est juste ça, c'était une réflexion. Comment tu veux que j'aie une anecdote sur mon chandail? Il y a un panda. Ouais, il y a un panda. Hey, ça me fait penser. Tu sais, panda, ours. Oui. Hey, en fin de semaine passée, j'étais allée faire de la randonnée en forêt. N'inquiète pas, j'ai pas vu d'ours, là. OK, une chance, là, mais... parce que là, je pensais que quelqu'un s'est fait griffer quelque part. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des dépliants pour aller faire de l'observation d'ours. Tu sais, des dépliants ben cheap. Mais à la fin, il y avait un petit slogan, c'était « Viens faire ton tour, t'es apostrophe, au URS! » C'est parfait! J'ai pensé à toi, tu sais. Puis, c'est toi-là, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est, Stéphane? Ours que c'est où? Pour vrai, toi, c'est mauvais. Le mot, mais le mot ours offre tellement de possibilités de jeu de mots. C'est ça. Fascinant. Y en a-tu au moins un troisième qu'on peut essayer de trouver ensemble? Attends. Mais pendant que tu cherches, je peux peut-être te raconter autre chose. Okay, dans cette même randonnée en forêt, j'étais avec mon copain, on marchait. Et là, soudainement, ça m'a juste popé en tête. Puis je me suis dit, c'est drôle. Et là, je fais, chérie, sais-tu ce que dit une fourmi à son amie fourmi lorsqu'elles sont en randonnée en forêt? Non. Hey, wait for me. Wait for me. Wait for me. Wait for me. Oh, c'est cute, ça. C'est trop cute, en fait. Ça m'a pogné de même dans le bois. C'est vraiment joli. Ça commence bien l'émission, Steph. Merci. Tout ça pour un panda. Veux-tu que je te parle un petit peu de ce qui va se passer dans le plan d'aujourd'hui? Oui, parlons du futur maintenant. Ouais, c'est pas super garni, mais ça va être pas mal toi puis moi, pas mal, je trouve. Ok, ok. C'est pas mal juste toi puis moi, mais... C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, t'sais. Mais c'est pas grave, on va s'amuser ensemble. On va avoir, entre autres, les instructions d'assemblage à 8h, où on va vraiment apprendre comment mieux vivre, et j'en ai vu une tonne de bons là-dedans, pour vrai. Bon, mais je suis contente. Vraiment. Ensuite de ça, on va faire le poste d'écoute à 9h avec toi, Stéphanie Paradis. Oui. Tu te faufiles un peu comme un ours qui irait chercher du miel. Tu vas chercher des albums dans la discothèque de C'est fou. Oui. C'est ça, tu avec grâce. Là, je sac tout à terre. De moi, je mange les lunchs à tout le monde. Ah, je t'imagine avec les pattes en l'air. Ah, c'est beau. On va aussi faire son foutu palmarès, bien sûr, parce qu'on n'a pas Laurent Constantin aujourd'hui. Il était hier, ben oui. Pour ceux qui suivent un petit peu à la maison. Sinon, Colin, tu sais, hein, un peu d'ordre, hein, s'il vous plaît. Hein? Ah oui, franchement. Les 8 heures de fil, on les écoute. Là. Discipline. C'est ça. Sinon, tapez-vous un marathon sur Netflix. On est là, nous autres, pourquoi pas vous autres? C'est ça. Pourquoi c'est juste nous qui devrions travailler? Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Ben, ouais. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Un peu d'autres affaires autour de ça. On verra en temps et lieu. Hein? Mais avant ça, on commence en musique. À l'instant, voici Caravane et Chien Noir. Comme un ours, mais en plus petit. En chien. En chien. En forme de chien. Un ours en forme de chien. C'est ça. C'est dangereux quand y a la lune et y a tes yeux. Je rêve d'une route qui finit plus. Dis-moi que je suis pas trop vieux pour ça. Je veux pas être ton black dog, mais ta fucking chien. Je veux pas être ton black dog, mais ta fucking. Yeah. je serai jamais. Je sais pas trop qui je suis. Je peux pas toujours être qui t'as envie. J'ai goût de sacrer mon cœur d'ici. T'es la plus belle quand tu souris. J'ai plus de ciel, j'ai plus d'océan. Ça m'enrage, je sais plus comme avant. Je pourrais être ton black dog, mais t'as fucké le chien. Caravane et chien noir à Assemblage Requis. Steph. C'est qui? C'est qui? On m'a raconté ma journée d'hier. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu, non, pitié. S'il te plaît, non. C'est fini l'histoire à cette époque-là où t'as en m'entendre avec mes problèmes. Non, c'est une liste de choses que je vais t'établir sur un sujet précis. C'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je Okay, c'est son foutu palmarès, la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Il n'y a aucune vulgarité d'habitude là-dedans. C'est la seule qu'il y avait. Okay? Et c'est en anglais, donc c'est correct. Aujourd'hui, c'est la liste des super-héros et de leurs pouvoirs, en fait, dont on pourrait se passer facilement. Uh-huh. Il y en a des bons dans la vie. Spider-Pig. Hein, t'as Justin Bateman, je pense, aussi. Excuse-moi, c'est Batman puis Spider-Man, c'est ça? Hein? Ouais. Mais Spider-Pig, c'était dans les Simpsons. C'est ça. J'ai mélangé tout le temps Spider-Man, Spider-Pig. Mais enfin... Les deux aiment le bébé. Oh, ouais, pareil. Les deux aiment le bébé. Donc, on va parler des pouvoirs qui n'ont aucun rapport et qu'on pourrait facilement éliminer. On dirait qu'on était rendu au fond du baril des thèmes qu'on aurait pu choisir. Uh-huh. Des questions d'haleine ou la prise de poids. C'est pas vraiment des super pouvoirs qu'on veut avoir dans la vie. Par exemple, le pouvoir de manger des choses. Ben là, je le veux, ce pouvoir-là. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc, c'est pas un pouvoir inutile. Tu commences donc bien mal ta chronique. Non, mais crois en toi, tu l'as déjà, ce pouvoir-là. Tout le monde l'a. C'est pas un super pouvoir. Ouais, mais ça dépend, là. Ouais. Il mange quoi? Ben, parlons-en un peu. Donc, c'est un héros avec un super pouvoir médiocre, nous dit-on. Dans la Legion of Superheroes, c'est une escouade de super-héros du 30e siècle qui a débuté en 1958. C'est rempli d'un paquet de membres plutôt inutiles. Par exemple, le Bouncing Boy, qui pouvait rebondir comme une balle rebondissante. Hein? Malade. Ça, c'est super pratique dans la vie. T'avais Chlorophyll Kid, qui pouvait faire pousser les plantes plus rapidement. Oh, ça m'aiderait. Je suis en train de perdre mes finisies. Moi aussi, je perds mes plantes. J'oublie de les arroser. Ils sont trop à une place que je les vois pas. Là, tu parles pas de toi. Tu n'es pas en train de mourir. Tu n'es pas mourant. Ah, est dur à dire parce que je ne vais pas consulter. Non, mais je sais pas si j'ai des problèmes cachés. Là, oh, on préfère pas savoir vivre dans le déni. Ben, c'est ça. Dream Girl, hein, qui pouvait prédire le futur grâce aux rêves. Bon, ça, mais c'est quand ça, même. Ça, c'est cool. C'est bien. Le plus étrange, c'était Matter Eater Lad, qui mangeait des choses. Hein, donc, par exemple, un de ces moments classiques, là, c'est d'empêcher une machine indestructible de détruire l'univers en la mangeant. Bien sûr. Bien sûr. Mais quel punch de fin! Superbe histoire. Voyons donc! En 1993, DC Comics a décidé que les personnages étaient trop stupides, trop bizarres pour la nouvelle génération de bandes dessinées un petit peu plus, genre, comment dire... Intéressantes! Sombres, ouais, intéressantes, c'est ça, avec des histoires, t'sais. Donc, on a réécrit ce personnage-là, donc on a changé sa façon d'être. Donc, le Matter Eater Lad est devenu le chef personnel de la Légion. Donc, il participait plus vraiment dans les combats, mais il était quand même dans l'équipe, t'sais. Uh-huh, okay. C'est une bonne idée, on l'a juste tassé un petit peu, t'sais. On l'a pas éliminé complètement. Ouais. Moins. Ensuite, prochain super pouvoir inutile, c'est le pouvoir d'avoir des yeux sur les doigts, toi. Tu sais, des yeux sur les doigts. Ouais. Tu sais, c'est dangereux, tu sais, je veux dire, regarde, j'ai de quoi dans l'œil, parce que t'en as plein partout sur les doigts, je veux dire, c'est horrible. C'est affreux. Mais en même temps, c'est tellement difficile, tu vas te crever tout le temps un œil à chaque fois que tu fais quelque chose. Mais si t'as quelque chose dans l'œil de ta tête, tu peux regarder avec ton doigt, j'imagine, qu'est-ce qu'il y a dans ton œil. Ah, peut-être. Ouais, ça peut être pratique. Mais non, je sais pas, j'imagine qu'ils se mettaient les doigts dans des trous de serrure pour regarder de l'autre bord des portes. J'aime ça, on se fait des théories sur ce que chaque super-héros, chaque super-pouvoir fait, puis après ça, je te le raconte, c'est le Monday, ça. Ah, je sais pas si je vais avoir des idées à chaque fois. C'est le Ten-Eyed Man, qui était un vilain dans Batman avec 10 yeux, on va se le dire. Hein. Donc, il était aveuglé Attends, il en avait pas ses orteils? Il n'avait pas ses orteils, il n'avait pas d'en face non plus parce qu'il était aveuglé par un accident. Bah. Mais un docteur sinistre lui a ajouté des nerfs optiques dans les doigts. Hein? Ça aurait été plus facile d'y réparer les yeux. Probablement. Alors qu'il était emprisonné, la police a mis ses mains dans une boîte pour pas qu'il puisse voir. C'était très efficace pour empêcher sa sortie de prison. Il aurait dû juste mettre des gants. C'est vrai, ça. Le concept de super vilain, ce concept-là, a été ramené dans un deuxième Ten-Eyed Man, mais éventuellement, il a été tué quand Batman a versé de l'huile chaude sur ses mains. En fait, pas tué, excuse-moi. Il a été aveuglé, puis comme c'était plus un vilain, mettons, quand il a versé de l'huile chaude sur ses mains, ce qui l'a aveuglé complètement. Il est donc bien méchant, Batman. Mais Batman, il faut bien qu'il se batte contre les vilains, non? Ceux qui fassent, non, s'il te plaît, sois mais gentil non, mais avec moi. C'est parce qu'on sait jamais vraiment c'est quoi qu'il fait au méchant. Ouais. Tu sais, on sait qu'il est tabasse, mais des affaires d'huile, c'est très méchant. Oui, vraiment, tu vas trop loin, Batman. Franchement. Le pouvoir de parler fort. Ça, je l'ai. Tu l'as déjà. C'est la dictatrice en chef. Ça je veux dire, c'est moi, là. Bonjour. Black Bolt, voilà. Black Bolt, c'était son nom. Hein, si il disait une blague, mettons, puis là, tout le monde riait. Mais s'il parlait trop fort, tout s'écroulait autour de lui. Bref, c'était le roi des inhumains, une race de super mystérieuse basée sur la lune. Et Black Bolt avait des poumons très, très puissants, tellement puissants qu'il pouvait causer la destruction autour de lui avec ses cris quasiment soniques, même en chuchotant. Juste un peu. Donc, résultat, ce super-héros-là restait d'habitude super silencieux, ne parlant que lorsqu'il devait détruire quelque chose. Donc, ça a l'air d'être un pouvoir pas super pratique. Mais bon, lui, ça lui dérangeait pas tellement. Ah, mais je serais pas bonne là-dedans, moi. Parce qu'il faudrait pas que je parle souvent. Ben non. Je sais pas s'il pouvait, envoyer ses pouvoirs, tu sais, dans un endroit précis. Ouais. Tu sais, pouvais-tu viser quelque chose, les concentrer à un endroit précis? Ou s'exploser partout autour de lui? Je pense qu'il fallait qu'il fasse attention. C'est ça le principe, je pense. Qu'il fallait qu'il fasse vraiment peut-être attention. Peut-être qu'il faut qu'il mette ses mains en porte-voix. En cône? Ouais. En cône? D'ailleurs, le reste du temps, il gérait un royaume avec sa femme Médusa. Hein? Donc, c'est un mari qui n'avait pas à rouspéter, mettons. T'sais. Donc, il était bien content. C'est ça. Les livres n'ont pas encore révélé ce qui lui arrive lorsqu'il a, par exemple, mettons, s'il y avait le hockey, hein, ou un petit rô, on sait pas ce que ça pourrait faire, mais ça le disait pas dans les livres. C'est ça, l'extinction des dinosaures. Et voilà. Il y a eu le hockey. Prochain super pouvoir inutile dans cette liste de son foutu palmarès, c'est des parties corporelles détachables. Un peu comme les Crash Test Dummies, tu sais, les petites figurines Crash Test Dummies dans le temps, j'aimais bien ça. Ouais. Ça se snappait les bras puis les jambes, puis quand t'es envoyé à quelque part, ça se défaisait en morceaux. Même chose pour lui. Depuis les années 40, il y a eu pas moins de 7 super-héros nommés Capitaine Marvel, mais le plus étrange était un édité brièvement par MF Publications en 1966. Donc c'était un super-héros robotisé, Captain Marvel, qui pouvait, quand il voulait, envoyer ses parties corporelles dans différentes directions juste en criant la commande « Split ». Mais voyons donc. Ce qui lui permettait de se battre en fait avec différents vilains à différents endroits en même temps. Ses pieds pouvaient se séparer et faire des karaté kicks sur les méchants, hein? Alors que sa main gauche et sa main droite envoyaient un jab puis un punch dans différentes parties de la pièce. Des coups de moignon. Ben justement, on dit qu'il pouvait se servir de son torse pour envoyer des coups de hanche aux vilains. Ben oui, parce que c'est ce qu'on voit dans l'image, en fait. Tu le regardes, c'est juste comme un homme tronc qui flotte dans les airs. C'est quoi ça? Mais c'est le fun qu'il puisse flotter dans les airs, parce que sinon, j'avoue qu'une fois que les membres sont partis puis tu tombes à terre, c'est plus bien utile. Mais en bande dessinée, je trouve ça très, très drôle. Oui. Mais imagine un film là-dessus, c'est complètement ridicule. Tellement. Tu peux pas faire un blockbuster avec un homme tronc comme ça qui envoie ses bras puis ses jambes un peu partout. Est-ce que sa tête se détache? Bonne question. Attends un peu, je pense que oui, on voit pas des lignes entre la tête et le torse. Je pense que c'est la tête détachée. Je crois pas que c'est son Dieu. Cou. C'est bizarre. Et en passant, j'ai retiré mon commentaire sur les hommes torses en général dans la vie qui ne sont pas inutiles. Je venais de dire que c'était inutile quand tu tombes à terre et que t'es juste un torse. C'était pas inutile. Non, mais c'est parce que quand t'es debout puis qu'à un moment donné, pas clair. C'est parce que. Comment il fait pour se remettre en un morceau? Ouais. Il a besoin d'un assistant? Que de questions, hein? Wow. Ils sont peut-être attachés avec une corde. Avec un élastique, ça boing, boing. Donc, c'est ça, on ne sait pas vraiment comment il fonctionnait, évidemment, parce qu'on n'a pas lu les bandes dessinées nous-mêmes, mais ils n'ont jamais clarifié comment un vilain pouvait finir par se faire battre par un pied ou par une main. On s'entend que c'est pas grand-chose, une main. Oui, c'est vrai, ça sert à quoi, finalement? Absolument rien. La bande dessinée n'est plus publiée depuis 40 ans, donc on saura probablement jamais les vraies réponses à nos questions. Oh. Ouais, même si Captain Marvel, celui-là était le moins célèbre des Captain Marvel, il n'a pas été oublié. Hein. Certains considèrent sa série comme un classique. Tu peux pas oublier ça, là. Mais non. Mais non. Ensuite, la laine arc-en-ciel Rainbow Breath. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Selon le texte du livre, lorsque tu disais avec d'autres pouvoirs comme la force rayon X, comment est-ce que tu peux avoir une force rayon X? La vitesse au carré, hein? La shame vision, la vision honteuse. Pardon? La vision honteuse. Vision honteuse. On voit tout le monde tout nu. Peut-être. Donc, cette haleine-là, Rainbow Breath, est un des 1024 super-pouvoirs qui inclut, entre autres, le reste de la liste a parmi elles, Nuclear Poop Vision, vision caca nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire, et la vision Larynx Freezing, qui gèle le larynx. Tout ça appartenait à Seth, qui était un genre de pycno, ok, génétiquement modifié, un pycno genre un habitant, si on veut, monstrueux. Qui se battait contre l'équipe de super-héros The Authority, publiée par Wildstorm Productions en 2002. Donc, comment est-ce qu'on pouvait éliminer quelqu'un comme Seth, qui avait 1204 pouvoirs? Eh bien, l'Authority l'a finalement battu en trouvant son mécanisme pour l'éteindre. Bref, ils l'ont transformé en 7 poulets. Hein? Et chacun ont été mangés par sa famille au Pycno lui-même. Donc, ils l'ont transformé en 7 poulets mangés par la famille du Pycno. Wow! Ça nous jette à terre. Voyons donc. C'est quoi ça? Regarde. Ensuite, toujours dans la liste des super pouvoirs inutiles de super-héros dans des bandes dessinées, le pouvoir d'arrêter une montre, d'arrêter l'horloge. D'arrêter le temps. Peut-être pas le temps. Le temps ça dit l'horloge. Ça dit une montre dans le titre. Ben, c'est pas super pratique, là. Pas vraiment, là. À part faire lever tes ennemis en retard le matin. Pour le travail. C'est un personnage oublié de l'âge d'or des bandes dessinées. C'est Mr. Midnight qui est apparu pour la première fois dans Silver Street Comics en 1939. Plusieurs écrivains de bandes dessinées rêvaient de pouvoirs cool pour des nouveaux super-héros pour évidemment accompagner le succès de Superman. Oui. Ça faisait tout plein d'argent. Donc, les gens chez Comic House Publishers ont inventé Mr. Midnight, alias jeune sportif riche, Neil Carruthers, qui possédait un pouvoir unique. Lorsqu'il disait « Stop time », il pouvait arrêter le temps, mais pas vraiment. Il pouvait seulement arrêter les horloges. Okay? Donc, il a duré pendant 2 numéros, probablement parce que son éditeur réalisait qu'on pouvait pas faire grand-chose avec ce pouvoir-là. Mais non. Tu sais, c'est vraiment, il arrêtait les horloges et les montres et tout ce qui dit l'heure. Mais c'est... complètement inutile. Vraiment, mais qui a eu cette idée-là? C'est Comic House Publishers. Bravo. C'est félicitations. Ensuite, le super ventriloquisme. Ou quisme, ventriloquisme, on va le dire comme ça. Donc, toujours dans l'âge d'or des bandes dessinées, c'était le pouvoir de Echo, donc qui était de lancer sa voix. Bref, donc c'était son travail de jour. Là. Bref, sa job, c'était qu'il était ventriloque, mais il était aussi détective amateur. Donc, il réussissait à tromper les vilains en les faisant penser, oui, qu'ils étaient entourés de policiers. Alors que c'était vraiment Echo qui disait « On vous entoure, main en l'air, etc. » Mais il envoyait ça par Echo, hein, autour. C'est tellement un super-héros de figurant dans une équipe de super-héros. Vraiment. Tu sais, il faut que tu aies le super-héros principal. Puis là, t'en as un. Oh, c'est à ton tour, Echo, de faire ta job qui dure 2 secondes puis qu'on va juste avoir besoin de toi dans 2 semaines. Faut juste remplir du temps, remplir de l'espace. Calvaire. Pour remplir du temps, il devrait demander à l'autre d'arrêter les horloges. Comme ça, il pourrait profiter plus de son spotlight. Ouais, peux-tu les faire reculer ou juste arrêter? Ah, juste arrêter, je pense. Ben, come on, là. Donc, il est apparu pour la première fois dans Yankee Comics en 1941. Et puis, il a duré pendant 2 ans. Je sais pas comment il a fait. Son nom était Jim Carson. Son frère était chimiste. Il l'aidait à combattre le crime. Il avait le nom de de Dr. Doom, mais pas le même Dr. Doom que dans les Fantastic Four quand même. Et le meilleur, le plus grand avantage de M. Echo, le super ventriloque, c'est qu'on ne voyait pas ses lèvres bouger. Mais j'espère, là, je veux dire, si en plus on voyait ses lèvres bouger. Dans la bande dessinée, ça aurait été bizarre un peu de voir ses lèvres bouger. Il y a ça aussi. C'est quoi, c'est genre il y a des lignes à côté puis ça marque flap, flap, flap, flap, flap, genre, quand il parle. Ouais, on voit ses lèvres bouger. Prochain super pouvoir inutile, c'est les pouvoirs du jour de l'indépendance américaine. L'indépendance américaine. Il y a des pouvoirs une seule journée? Une seule journée, on dirait. Hein? Donc en 1966, DC Comics a inventé Dial H for Hero, qui était une bande dessinée qui parlait d'un adolescent nommé Robbie Reed et qui trouvait, un clavier, pas un clavier, comment est-ce qu'on appelle ça? Une roulette de téléphone. Ouais. Spéciale. Quand il composait le H-E-R-O, hein, Hero, il se transformait en super-héros et c'était un super-héros différent à chaque fois. Donc, en 1981, on a ramené le concept et deux adolescents trouvaient accidentellement cette roulette-là dans une maison hantée et étaient transformés comme par magie en super-héros adultes. La chose la plus intelligente, là, c'est que les héros étaient inventés par les lecteurs des bandes dessinées eux-mêmes. Comprends-tu? Donc, on pouvait composer un numéro de téléphone et donner le prochain mystère et le prochain super-pouvoir qu'elle allait avoir. Ça, c'est cool quand même. Donc, ce qui était plus intelligent... OK, ça devait donner des trucs assez bizarres des fois. Parce qu'à un moment donné, la liste... Tu finis par tourner en rond un peu. Ouais, hein, ouais. Mais ce qui est encore pire et plus le fun pour la compagnie DC Comics, c'est que les lecteurs ne se faisaient pas payer de royauté du tout. Tout ce qu'ils faisaient, c'était recevoir un T-shirt de Dial H for Hero. Un T-shirt. Donc, les héros n'apparaissaient jamais plus qu'une fois. C'était comme ça. Donc, on aurait pu voir plus d'aventures de super-héros comme Balloon Boy, Blazerina, Raggedy Doll et Fuzzball qui pouvaient rebondir un petit peu partout pour éliminer les vilains, un peu comme un qu'on avait fait plus tôt dans la liste. Il y avait Lavender Skywriter. Lavender comme lavande, ouais. Et Mighty Muppet, dont la bouteille pour bébé pouvait squirter un liquide qui faisait rapetisser ses ennemis à sa grandeur. Arc. N'importe quoi, hein? Donc, des centaines de super-héros ont été publiés dans ces pages-là. Mais rien de mieux que le Yankee Doodle Kid, dont le super pouvoir patriotique pouvait, dans le fond, aurait fait honte à Captain America. Donc, le Kid, un des héros de Robbie Reed en 1966, dans la première version de Dial H for Hero, était une machine du 4 juillet. Il générait des feux d'artifice de ses yeux. Il pouvait aussi envoyer, à partir de ses doigts, des missiles en cherry bomb, tu sais, des bombes qui puent. Il pouvait afficher des illusions à partir de ses doigts aussi. Écoute, le concept du téléphone, échanger de héros à chaque fois, je trouve ça vraiment cool. Oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu viens que tu tournes en rond. Hein? Oui, vraiment. Mais bon. Comme la roulette du téléphone. Comme la roulette. Moi, j'aurais laissé les idées entre les mains de gens créatifs, créateurs de bandes dessinées, non pas entre les mains du public. Oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas obligés de prendre... tout le monde. Non, c'est ça. Non, j'imagine qu'il y en avait qui n'étaient même pas utilisables. Imagine. Ils ont pris ceux-là. Ça devait être les meilleurs. Monsieur dit feu d'artifice dans les yeux. C'est fantastique comme idée. Ensuite, toujours dans la liste des pouvoirs de super-héros dont on pourrait se passer, le pouvoir d'imiter les sons de façon précise. Ah, ça peut être bien, ça. Ça pourrait quand même. Donc, le vilain de Green Arrow et Batman, qui s'appelait Onomatopoeia, donc Onomatopée, avait la capacité de faire une réplique parfaite de n'importe quel son entendu autour de lui. Donc, c'était comme une enregistreuse. Pas exactement. C'est une personne, c'est un humain. Quand même. On va quand même le traiter comme un humain. Hein. Donc, un des pouvoirs d'Onomatopoeia était d'avoir l'air d'un fusil, hein, un snap de boucle de ceinture ou encore une goutte d'eau qui tombe dans un lavabo. Ça peut être bien pour distraire le super-héros, tu sais. Mais à la fin, quand vient le temps de se battre, quand ils t'ont trouvé, même si tu fais le bruit d'un gun, je m'excuse, mais Batman puis Green Arrow va pas mourir, là. Non. Ils sont pas caves, là. Hein? Tu sais, ça se peut, tu fasses comme « Oh mon Dieu! » Puis là, deux secondes après, c'est comme « Ah, c'est un bruit! » Tu sais, je veux dire, ils savent, là, c'est quoi son super-pouvoir, là. À un moment donné, tu viens que t'es alerte un peu, non? T'sais. En tout cas. T'sais. Ensuite, le pouvoir de voir dans le noir, alors qu'on est complètement aveugle normalement le jour. Toujours un super-héros. C'est pratique le soir. Là. Pratique le soir, je dirais principalement, la nuit aussi. Donc, c'est Dr. Midnight qui pouvait voir dans le noir parfaitement. Dr. Midnight ne pouvait rien voir le jour, même absolument rien. Ça, c'est pas cool du tout. Il devait porter des lunettes spéciales pour voir le jour. Donc, il voyait rien le jour, mais il devait porter des lunettes spéciales pour voir le jour. Donc, dans le fond, il voyait le jour, c'est un peu ce que ça veut dire. Avec ses lunettes spéciales. Avec ses lunettes spéciales, ouais. Et cet accessoire-là, pardon, était une cible naturelle pour les ennemis qui voulaient donc J'imagine battre le docteur en lui enlevant potentiellement ses lunettes, j'imagine. Mais il devait quand même avoir une moins bonne vue le jour. Là. Sûrement, sûrement. Tu sais, la nuit, ça devait être comme amplifié fois 40 200. C'était précisément ça, je pense, dans la bande dessinée. Oui, mais ça... Tu l'as lu au complet, hein, c'est ça? Oh, non seulement le numéro, il disait... Le... Et finalement, le pouvoir des écureuils. Hein? Pardon? Spider-Man, Batman, Wolverine, parfait. Mais ensuite, il faisait du beurre de peanut, c'est ça? Peut-être, il y avait juste une noix sur la tête. non, c'est Squirrel Girl, hein? Squirrel Girl. Bon, évidemment, c'est ça, on parlait de Spider-Man, Batman, qui ont tous des pouvoirs qui viennent des animaux. Bon, tu sais, une araignée a piqué, je pense, Peter Parker, c'est ça, ou mordu, wow. C'est ça. Batman, ben, c'est comme une chauve-souris parce qu'il peut planer, voler, genre. Ouais, c'est, mais il n'y a pas vraiment de. Non, c'est son sou. C'est ça, il s'appelle comme ça, il a décidé de choisir ce nom-là, mais il n'a pas été mordu par une chauve-souris, je pense pas. Non, il n'y a pas vraiment de super-pouvoir, il est juste bien équipé. C'est ça, sa twist, c'est qu'il n'y a pas vraiment de super-pouvoir, c'est pas un super-héros en tant que tel, c'est juste un héros. Ben, c'est un super-héros parce qu'il est quand même hot. Il est super. Mais ça vient pas de. Surnaturel. C'est ça. C'est... Ouais. Lui, sans son sou, il n'est pas grand-chose. Un peu la même chose que Iron Man. Si tu enlèves son sou, il est juste riche, beau, arrogant et brillant. Oh, wow! Là, je dis beau parce que c'est l'acteur, Robert Downey Jr. Ben, ouais. Le frère du savon à linge. Downey. Donc, en 92, Marvel Comics a présenté l'étudiante Doreen Green, étudiante au secondaire, donc une mutant avec les capacités et les habiletés d'un écureuil. Hein? Ça, on se demande pourquoi, donc, attends un peu. Elle a une queue. Des pics sur ses jointures, des pics rétractables. On va bien. Ouais, ils peuvent s'être retirés. Ils peuvent rentrer dans sa main. Comme Wolverine, genre. C'est ça, pareil, comme Wolverine, genre. Donc, ensuite, elle a des dents, des incisives, c'est comme ça qu'on dit, plus grosses que la normale. Elle a un lien d'empathie, OK, super fort avec les écureuils. Hein? Et elle est super cute, nous dit-on. Ben, je regarde la photo, ben, c'est une. Ouais, pas si pire. Bref. Bon, ouais, c'est un dessin. Ben, c'est un dessin, c'est ça. Avec ses pouvoirs, elle a donc. Elle a défait complètement Dr. Doom, le vilain, là. Pas le frère de Echo dans l'autre truc qu'on a mentionné tantôt, mais le vrai vilain Dr. Doom. Elle est un membre d'une équipe nommée les Great Lakes Champions, dont on n'a pas fait de film encore, les Great Lakes Champions, ça pourrait être le prochain. Mais c'est pour ça, ça, c'est un super-héros d'équipe, parce que tout seul, tu ne vaux pas de la chenoute. C'est ça, vraiment, vraiment pas. Ah, je suis ami avec les écureuils. Tiens, Dr. Doom, meurs, s'il te plaît. Il a devait lancer des écureuils, puis des peanuts, des affaires de même. Par la queue, genre, comme un lasso. Wouh, wouh, wouh, wouh. J'appelle pas ça un lien d'empathie avec les écureuils, ça, par contre. Non, c'est pas vraiment empathique. Non, mais probablement que, dans un cas extrême, elle pouvait appeler ses amis écureuils, puis là, il fonçait sur le vilain. Ah oui! Ah, wow, je lirais tellement pas ça du tout. Finalement, vraiment pas. Et c'était donc la liste des pouvoirs de super-héros dont on pourrait facilement se passer et dont apparemment le public américain s'est passé parce que ça n'a pas vraiment duré si longtemps que ça. J'ai vraiment trippé. C'était sur cool. Cette liste-là. Ouais, comme ça. Ouais, good. Ouais, ouais. Veux-tu que trippé sur la prochaine aussi? Bonne chance, c'était vraiment cool. Tu peux pas faire mieux que ça. Mais tantôt, je te suggère une liste des plus vieilles collations qu'on mange toujours aujourd'hui. Ah? On s'essaye avec ça dans quelques instants. Mais, tu parles de manger. Du manger. Mais pour l'instant, on prend une pause et au retour, plus de son foutu palmarès et on débute aussi les instructions d'assemblage dans quelques instants à Some Assembly Required. Restez là. Mon super pouvoir, je traduis tout en anglais. Fou de découverte. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Oh, klaxon! J'aime ça ce bout-là, j'aime ça le klaxon. Toujours assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mmh, c'est tout à fait vrai, ça, oui! Mmh. On était dans son petit palmarès tantôt. Retournons-y. Donc, c'est son petit palmarès. On établit des listes sur des sujets précis. Par exemple, cette fois-ci, on fait une liste des nourritures, collations qu'on mange toujours aujourd'hui. Parfait, mais les plus ça. Vieilles, c'est les plus vieilles. Ben, ils ont été refaits, je veux dire, c'est des nouvelles batches. C'est la date de péremption. D'accord. Ça a été changé. Je pense que les étiquettes par-dessus. Ça a été changé, c'est ça, c'est le même produit. Mais... Comme à l'épicerie, comme dans les vrais. On étiquette par-dessus parce que c'est encore vraiment relativement vendable. Ben oui. Si on veut. Donc, c'est ça, le marché des collations, vous le savez, c'est rempli de nouveautés. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau, que ce soit des bartendes à la citrouille avec de la crème à vanille que j'ai vraiment hâte de manger mardi à la chronique Une grosse pointe à l'adresse. L'émission de mardi, l'assemblage avec... Spoiler alert! Donc, c'est ça, les épiceries sont remplies de choses nouvelles, mais il y a encore des vieilles affaires. Il y a des classiques, on revient toujours aux classiques. Vos grands-parents mangeaient ça. Nous, on les mange aujourd'hui, puis tout le monde est content parce que c'est des classiques. Il y a bretzel pour commencer. Bretzel en français. Mon Dieu, ben oui. C'est clair. Donc, les bretzel qui sont considérés comme la plus vieille collation du monde, même s'ils ont un petit peu de compétition par rapport à ça, parce que les historiens du bretzel, oui, les historiens du bretzel, ça existe vraiment. Cool. Qui disent que le prédécesseur du bretzel moderne a été fabriqué pour la première fois au 6e siècle par un moine italien. Un pâtissier quand même débrouillard qui utilisait ça comme récompense pour les personnes qui se présentaient à l'église. Les plus jeunes, les enfants qui se présentaient à l'église recevaient un bretzel. Ah, c'est comme l'ancêtre de l'hostie. C'est un peu la même chose et aussi fade quand t'as pas de sel sur ton bretzel. Je sais pas s'il y en avait beaucoup de sel à l'époque, mais un bretzel moins salé, ça coûte pas grand-chose. Ça existe? Ça existe. Des bretzels genre... diète, genre pas de sel. Ah, l'eau et... Ouais. And salt. L'eau and salt. Ouais, c'est ça. Insulte-moi donc. Insulte-moi donc. Enlève-moi pas mon sel. Non, un bretzel, c'est le plus de sel possible, sinon c'est vraiment fade. Donc, le bretzel, apparemment, vient du mot latin bretzola. Bretzola, qui veut dire petite récompense. Oh, c'est dommage le fun. C'est cute pour les petits-enfants à l'église. Là. C'est cool. Mais moi, je comprends pas pourquoi, si le mot d'origine... C'est vraiment un mot latin. Qui commence par un P. Qui commence par un P. Pourquoi est-ce que c'est devenu bretzel en français? J'aimerais vraiment savoir. Je serais curieuse. On pourrait prendre ça en note et faire un arrêt avec des questions une fois par année là-dessus. Si on trouve la réponse. Si on trouve la réponse. Si ça nous intéresse d'aller chercher la réponse. Faudrait s'en souvenir pour commencer. Popcorn est le suivant. Le maïs. Ben oui. Soufflé. Soufflé. Il est souple. Ton maïs, c'est souple. Souple. Est-ce que je pourrais avoir du maïs souple? S'il vous plaît. Ah, ben oui. Ouais, OK. OK, c'est bon, ça. Ça va aller, on va finir là-dessus. Donc, popcorn et bretzel, donc ça vit souvent ensemble dans des parties. On les met dans des bols. Les 3 P, popcorn, bretzel, party. Party. Pizza et poutine. La poisson, oui. Du poisson. De la boisson. OK, qui c'est qui mange du poisson? Hey, tout le monde, amenez vos chips et votre morue. C'est quoi ça? Bon, donc le popcorn et les bretzels vivent ensemble lors d'un party. Une fois, c'est le popcorn puis un bretzel qui entre dans un bar. Donc, les deux collations croustillantes sont dans un débat vraiment savoir lequel est le plus vieux. Hein? L'histoire nous dit que les Américains, les Amérindiens, en fait, donc les Native Americans aux États-Unis, mangeaient cette collation-là, le popcorn. Mais les archéologues, ça, j'allais dire. Gistes, c'est en anglais. Je sais bien, mais en français, tout c'est hog. Hein. C'est ça, puis en anglais, c'est giste. Il n'y en a pas aucun qui c'est giste en français. C'est ça qui me mêle tout le temps. Ben, je sais pas, là, chirurgiste. Chirurgiste, merci. Ouais, puis un dentiste. Ça marche. Mais c'est pas giste. Dentiste. Tu dis pas ça, dentiste? Un dentiste? Je suis le dentiste ce matin? Non, pas vrai. Non, mais mon père s'appelle Langiste. C'est vrai! Il n'y a pas de T, mais mon père s'appelle Langiste. Puis c'est un dentiste, ça a été parfait? Non, c'est un comptabiliste. Donc, les archéologues disent qu'ils ont trouvé des bouts de popcorn là, qui datent du début. Il y a 1500 ans. On a mangé il y a 5600 ans, c'est incroyable. Évidemment, personne n'a utilisé le micro-ondes à ce moment-là. C'était rare, je trouve, il y a 5600 ans. C'était plutôt rare. Ouais, donc c'était un micro-ondes par village, je pense. Environ, je pense. Ils allaient tous à la même place faire le popcorn. C'était avant qu'ils regardent la TV. Ils faisaient juste regarder le micro-ondes il y a 5600 ans, c'est clair. Hein. Donc, on croit que les Américains natifs, donc les Amérindiens, lançaient leur grain de popcorn directement sur le feu et que ça faisait popper le grain de façon impressionnante, ils pouvaient le rattraper potentiellement. Ah. Après, donc le lancer à travers le feu, j'imagine, et quelqu'un de l'autre bord l'a rattrapé ou quelque chose comme ça. Je pense pas qu'il était en forme de boomerang, fait que ça revenait pas sur peut-être que ça rentrait, ça allait dans le feu. Quand ça explosait, ça revolait. Peut-être. Là, ça. Tu t'ouvrais la bouche, puis fallait-tu pogner ton popcorn. Ça devait être un beau jeu. Oui. Hey, on perd ça de nos jours. On s'amusait qu'un rien. J'ai goût d'essayer ça sur un feu de camp l'été prochain. Oui, ou chez le dentiste. Tu vas lancer du popcorn à ton dentiste. Oui, oui. OK. Il est tellement hot. Ensuite, les triscuits. Steph, manges-tu ça des triscuits? Non. Non, mais c'est bon quand c'est pas nature, je trouve. Parce que c'est un peu fibreux, les triscuits. Oui, mais on parle de la marque triscuits. La marque, là. C'est ça. Mais tu sais, ils font des petits triscuits genre à l'huile d'olive et romarin et trucs comme ça. Ça, c'est bon. Oui. Ça, c'est très, très, très bon. Donc, bref, Nabisco. Donc, ils disaient ou vantaient que leur craquelin triscuit était cuit par l'électricité. C'est une façon à l'époque de dire que c'était vraiment... Dans le fond, c'était une collation qui était vieux jeu. Pour la faire avoir l'air moderne, on disait que c'était cuit à l'électricité. Donc, ce craquelin a été inventé en 1903 à Niagara Falls, sur Niagara, sûr, où c'était cuit avec, comme on l'a dit, de l'électricité. Pour ces deux premières décennies d'existence, les triscuits étaient beaucoup plus grands que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça faisait 2 pouces et quart par 4 pouces. C'était des rectangles, c'était des prismes même, parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Quand même. En 1924, on les avait rapetissés à leur très familière forme de 2 par 2 pouces. Donc, avant, c'était 2 pouces et quart, donc ils sont un petit peu plus minces. On les a coupés en deux ensuite pour faire un seul... en fait, deux biscuits par biscuit. En fait. Mais est-ce que c'est vraiment la même entreprise qui fait ces biscuits-là depuis 1903? Je ne précise pas dans l'article. J'ai l'impression que oui, mais peut-être pas en même temps parce que Nabisco, c'est ça, voulait ramener de façon moderne cette vieille collation. Donc peut-être que c'était une collation traditionnelle. Mais si tu disais cuite par l'électricité, c'était pas en 80, là. Non, ça, c'était en... non, ben c'est ça, exactement ça. C'est pas clair, hein? Ben, ça doit être ça, parce qu'il dit qu'ils ont initialement dit que c'était cuit par l'électricité, blablabla. Puis ça dit Nabisco. Ouais. Mais moi, ce qui me surprend, c'est parce que je suis un peu comme surprise, parce qu'on dirait que ça fait juste comme 5 ans que je vois ça sur les tablettes. Puis qu'avant, j'en avais juste jamais entendu parler des triscuits. Ça se peut, mais peut-être que l'histoire des saveurs vraiment bonnes sont peut-être plus récentes, parce que peut-être qu'à l'époque, c'était juste, il y a longtemps, peut-être juste des triscuits nature, un peu comme des Weetabix, les céréales en genre de gros pain foin dégueulasse. on les voit pas parce que, Colin, tu veux pas les voir, on va se le dire. Tu veux pas y voir. Les biscuits Oreo, ensuite. Oh! Toujours dans la liste des collations les plus vieilles qu'on mange toujours aujourd'hui. Nabisco, encore une fois, et ça, on a déjà fait ce fait-là, mais Nabisco, c'est pour National Biscuit Company. C'est ça, Nabisco? Non, je savais pas. C'est impressionnant, non? Ils sont pionniers de ce biscuit préféré du lait, comme on le dit dans leur slogan. Le premier Oreo a été fabriqué en 1912 dans l'usine de Nabisco, localisée dans la section Chelsea de New York City. Bizarrement, le Oreo est arrivé après le biscuit Hydrox, qui était un biscuit compétitif, une compétition à Oreo, mais ils ont été inventés avant les Hydrox. Ah. Et ça existe toujours, pas au Québec. Je pense pas avoir vu des Hydrox, mais quand même. Nabisco a créé Oreo seulement pour faire compétition au biscuit Hydrox qui a été fabriqué pour la première fois en 1908. Ils ont bien fait parce que c'est eux autres qui dominent le monde des biscuits. Ils en ont tellement de sortes et de variétés à la menthe, au chocolat, biscuits blancs. Original. Non, pour essayer les autres. Es-tu assez ouvert d'esprit pour essayer les autres Oreo? J'en ai essayé d'autres. Moi, je les trouve super bons, ceux avec le biscuit beige. Original, c'est toujours le meilleur. Non, je vais dire que non. Double Stuff. Et le meilleur, c'est l'original, mais avec deux fois plus de crème. Mais pas vraiment. Mais quand c'est la même chose. Non, c'est un autre modèle vendu avec un autre numéro de série. C'est la même chose. C'est exactement les mêmes saveurs. C'est la même chose. Ensuite, tu as tout à fait raison. Je te donne un point, mais je préfère les Double Stuff aux originaux. Cracker Jack, c'est la prochaine collation la plus vieille. Ah, mon Dieu. Il y a même une expression. Coudonc, t'as-tu pris ton permis de conduire dans une boîte de Cracker Jack? C'est vrai qu'on dit ça. Non, des boys de Cracker Jack, ils donneront pas quelque chose qui a de la valeur. Ils vont donner un petit jouet cheap avec un cahier avec des collants. Personne veut utiliser ça, là. Ben, c'est pas pire que Kinder Surprise. Non, en fait, oui, c'est pire, je trouve. Ah ouais? Je trouve que Kinder Surprise s'est amélioré dans les jouets récemment. OK, les autres sont restés vieux jeux. Ouais. C'est vraiment, vraiment mauvais. C'est souvent juste des autocollants. Il y a même plus de jouets, il y a même plus de figurines ou rien. C'est juste un carnet d'autocollants puis des blagues plates. Ouais, mais c'est... Joe les bat, bâtard. Oh boy. Oh boy. C'est pas fort, là. Ben non. Ah non. Donc, Cracker Jack, Steph. Le popcorn, évidemment, on a questionné son âge tout à l'heure, mais un de ses produits reliés les plus célèbres, lui, ne souffrera pas de débat. Les racines du Cracker Jack peuvent être... Cracker Jack peuvent être tracées jusqu'en 1871 à Chicago. Wow. Un immigrant allemand nommé Frederick William Rockheim a commencé à cuisiner son propre maïs soufflé. La légende nous raconte que Rockheim et son frère Louis ont introduit la collation sucrée et croustillante, qu'on connaît sous le nom de Cracker Jack maintenant, à un public de la Chicago's World Fair, une grosse foire en 1893. Il n'y a aucune évidence que ça a été produit à ce moment-là. Mais par contre, en 1896, Cracker Jack a commencé à être produit, à être vendu, et c'est devenu finalement le préféré de ceux qui aiment le popcorn et les fans de baseball, entre autres. Wow, je trouve ça fascinant, c'est tellement vieux! Oui! 1871, et les racines. J'ai jamais mangé ça. Non, non. J'ai jamais goûté à ça. Ben, Steph, il faut que tu corriges ce problème flagrant de ta vie. Ça, je sais pas, on dirait que ça m'a jamais interpellé. Si t'envoyons au dépanneur une boîte de Cracker Jack, il y en a plein de dépanneurs. Il y en a des sacs. Il y en a des sacs, tu t'en achètes un sac. Ben, la première fois que j'ai vu ça, je fais « Hein? C'est juste pour vrai? » Parce que moi, je connaissais l'expression « T'as pour ça d'une boîte de Cracker Jack? » Ouais. Mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Puis quand je l'ai vu la première fois, j'ai comme, oh mon Dieu, ça existe. Ben, j'ai jamais été porté à l'acheter. Je te le conseille vraiment et c'est bizarre parce que la boîte a l'air tellement vieux jeu. La boîte n'a pas changé visuellement. Probablement pas. Hein? Donc, sûrement qu'elle fait comme partie du paysage. Donc, t'en achètes pas parce que c'était trop comme bas de gamme d'apparence. Mais quand peut-être. Tu l'ouvres, c'est vraiment très, très bon. Tu sais, si t'aimes le popcorn au caramel qu'il y avait au Rivière puis qui a déménagé au, je pense, au Canadian Tire, etc. Tu sais, le monsieur qui fait du popcorn au caramel. Tu ça? Au Canadian Tire? Oui, tu ça? Non. Ben, je te dis. Ben voyons donc. C'est de même. C'est vrai. C'est bizarre. Vas-y, le plus vite possible la fin de semaine. J'ai jamais mangé son popcorn. Ben il est super bon son popcorn, Colin, Steph, tu vis pas. Mais oh, mais non, moi quand j'allais aux rivières puis que ça sentait ça, le cœur me levait. Pour vrai, ben peut-être que c'est pas pour toi, mais c'est pour... Mais j'aime le caramel puis le popcorn. Je veux dire, sûrement que j'aimerais ça. As-tu mangé... là, on fait des plugs là, à outrance. Puis de toute façon, je pense pas que ça va changer grand-chose sur votre visite de ce magasin. Mais chez Target, ils ont des sacs de popcorn dans la section popcorn. Okay? Le sac est blanc et bleu. Bleu, très, très bleu poudre, OK? OK. Et c'est la compagnie genre Creton, quelque chose comme ça, qui fait Creton. Ça. Cretons ou quelque chose comme ça. Retenez le nom Creton, puis ça va faire la job. Et c'est du popcorn style new-yorkais avec des popcorns au fromage, des popcorns au caramel et du popcorn nature. Mais d'habitude, ce mélange-là est correct. Par d'autres marques, c'est correct, mais celui-là, ils ont fait quelque chose au fromage, ils ont fait quelque chose au caramel et ils ont fait quelque chose à l'original pour que ça goûte la meilleure chose que tu as mangée dans les collations de ta vie. Je trouve que c'est, moi, c'est dans mon top là, facilement. C'est donc le popcorn new-yorkais de Crotons chez Target. Allez-y. La pub est faite, hein? Bon. Maintenant, envoyez-nous du cash. Parce qu'on a mentionné votre nom. Ben là, j'ai le goût de goûter à ça. Là. Vraiment, là, il faut que. Je pourrais t'en amener, mais c'est que j'ai déjà goûté. Puis c'est le concept de la chronique une grosse poêle. Je vais y aller, puis je vais m'en acheter. OK, parfait. Parfait. Donc, on était en train de parler de popcorn. On a pris une petite parenthèse, parce que des fois, c'est le fun des parenthèses, t'sais. Donc, on était en train de parler de la Chicago World's Fair et finalement, on avait pas mal terminé sur celui-là. Ouais. C'est pas mal ça. Je vais passer au prochain. Le prochain, c'est les croustilles Lay's. Ah ben oui! Ouais, donc c'est toujours dans la liste des collations les plus vieilles qu'on mange toujours. Donc, Lay's qui a vécu un paquet de changements de nom à travers l'histoire, savais-tu ça? Non? Non, mais je sais que ça s'appelle pas comme ça. Partout. C'est ça. C'est ça. Je pense pas qu'on en parle dans l'article, je vais en parler à la fin. Donc, le nom d'origine, Lay's Lay Lingo Company. Lay's Lay. Lingo trop Company. Long. Ensuite, H.W. Lay Lingo and Company. Hein? Ouais. Donc, ils ont présenté leur chip, leur croustille classique en 1932. L'invention du Continuous Potato Processor en 1942 a permis aux croustilles d'être fabriquées en quantité plus massive, donc vraiment en masse, ce qui a amené ces croustilles-là dans le grand public et la popularité qu'elle connaît maintenant. C'est à cause d'une machine à découpage de chips. Ils sont bonnes. Et on dit qu'en Europe, mais en Europe, on dit que c'est des Walkers et non pas des Lay's. Tu t'en souvenais? Oui, des Walkers. T'as une mémoire sélective sur la bouffe? Ben, c'est ça. Je retiens ce que je veux retenir, je pense, dans mon cerveau. Ben oui. Mais c'est les Walkers et eux aussi ont le concours Faites-nous une saveur, là, d'où est-ce que ça fait. Mais c'est pas les mêmes saveurs du tout. Là. C'est genre. C'est des saveurs vraiment bizarres. Attends un peu. Faut que je les trouve. Parce que. Ouais, mais pourtant au Canada, il y avait pas mal toutes là, comme saveurs. Ah, mais c'est rien comparé aux États-Unis ou en Europe, c'est pas les mêmes saveurs du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, Walker's Do Us a Flavor, on va aller voir au Royaume-Uni en ce moment si le concours est toujours actif. Je crois que oui. On a Ranch Raccoon. OK, donc c'est une combinaison de viande avec des accents de crème sûre et d'ail. Okay. C'est Ranch Raccoon. On a pulled pork, porc effiloché dans une sauce collante barbecue. Miam. Uh-huh. Ensuite, on a cheesy beans on toast. Ça, c'est des beans, là, c'est comme des pois au fromager, des haricots, fromagés sur rôti, sur une rôti de pain. Ça, c'est la prochaine saveur. On a hot dog avec ketchup aux tomates. OK. Classique quand même. On a chip shop chicken curry, donc poulet au curry. Et finalement, on a sizzling steak fajita. Fajita steak pétillant. OK, mais tu veux dire, dans le fond, les saveurs qui sont ressorties sont pas les mêmes. Ils sont pas sorties... Parce que quand tu faisais, tu créais ta saveur, tu avais accès à tout. Là. Oui, non, c'est ça, exactement, oui. Okay. Mais les saveurs qui ont été sélectionnées pour le concours. Veux-tu les saveurs américaines? Ben oui. Ça doit être quand même plus ressemblant. à ce qu'on a. Oui, mais il y en a que j'aurais aimé avoir ici. Est-ce que ça, c'est la version américaine? Oui, OK. Un peu comme nous, on avait macaroni au fromage à la peigno. Ouais. Eux, ils ont macaroni au fromage et au bacon cheddar. Cheddar bacon. J'aime mieux ça. Moi aussi, j'aime mieux celui-là. J'ai pas tellement aimé celle au jalapeno. Ben, j'ai pas goûté, là, mais ça m'attire plus macaroni bacon. On dirait que j'aime pas le fait qu'ils soient ondulés au Canada, alors qu'aux États-Unis, ils sont droites. Je préfère onduler. Bah. Ensuite, avec cappuccino, pour aller avec nous, c'était une brioche à la cannelle. Cappuccino? Oui, c'était cappuccino, même genre, quand même. Ça doit être bizarre. Mais il y a toujours les mêmes catégories au Canada et aux États-Unis. Il y a tout le temps le vote facile du grand public, t'as le vote qui est plus sucré et que personne ne va comprendre pourquoi ça existe. Donc ça, c'est celui-là. Ensuite, t'avais les ondulés à la salsa mango. Salsa la mangue. Et finalement, t'avais, ils sont tellement petits les sacs que je les vois pas de loin. Attends un peu. Là, des pop-up qui arrivent. Attends. Le dernier, c'est Wasabi Ginger. C'est celui-là que je voulais essayer. Wasabi gingembre. Ça doit être malade. En plus, son kettle cooked à la marmite. Ah oui. Donc, aux États-Unis, vous pouvez les commander sur eBay en passant. Ça existe. Ça doit être cher. Super cher. C'est-tu ce qu'on devrait faire? Pardon. Un road trip? Ouais. Puis on s'en va s'en chercher dans un dépanneur aux États-Unis. Non, on va s'y commander puis on va se cotiser, non? On devrait commander, parce que les versions du Royaume-Uni sont aussi sur eBay. Donc, on pourrait commander le package deal États-Unis, Royaume-Uni, se commander ça puis ça les essayer. Ça va coûter un bras. Parce que pour vrai, dans les chroniques de Malbouffe de la semaine cet été, on s'est dit on fera jamais les chips Lay's Do Us a Flavor parce que Colin, toutes les radios les ont essayées. Toutes les radios ont essayé ça live à en ondes. C'est la chronique de la Malbouffe de la semaine. La seule fois qu'ils la font ailleurs, c'est lors des chips Lay's. T'sais. Mais nous, on aurait pu être originaux puis faire toutes les autres saveurs. Ça t'écoute. Ça serait bon. Bon. Mais on jase, puis on perd le fil des choses avec le temps. Mais donc, les chips Lay's, sortis en 1932 et ensuite améliorés en 1942 de façon massive. Ensuite, on passe aux Fritos. Ah ben oui, tu de Mace. Oui, ils sont pas encore rendus à leur centième anniversaire, mais ils sont quand même pionniers de la technologie et de l'innovation des croustilles qui ne sont pas vraiment des croustilles. Donc, Elmer Doolin, qui était obsédé par les croustilles de Mace, a acheté la recette d'un homme de San Antonio, Texas. Au début des années 30, Doolin était particulièrement fier de sa recherche. Il voulait trouver une façon qu'une croustille ne devienne pas, pas mangeable. Mais tu sais, ça devient. Comment ça devient quand t'es là sur une table? C'est-tu mou ou comme... C'est comme un genre humide, de, ça absorbe toute l'humidité. C'est pas bon du tout en bouche. Il voulait trouver une façon d'empêcher ça. Donc, il a commencé à produire des croustilles de façon massive, donc pour le grand public en 1932. Et Doolin a adoré cette nouvelle collation. Il avait inventé les Cheetos. C'est-tu qu'il a inventé aussi les Cheetos? Donc, je pense qu'il avait inventé d'autres chips aussi avant. Mais bon, il a inventé les deux. Cool. Le principe pour que les chips ne deviennent pas molles et les Cheetos. Ensuite, nourriture qu'on connaît beaucoup, beaucoup moins. En fait, on la connaît pas du tout au Québec. On connaît un équivalent à ça, mais pas exact. Aux États-Unis, ils nous disent vraiment que c'est pas la même chose. Nous, on appellerait ça peut-être une demi-lune. Souvent, c'est une genre de confection pâtissière avec de la crème. Oui, mais c'est quoi? C'est le Twinkie. Ah, mais oui, on connaît ça maintenant grâce au film Zombieland. Ah oui. Est-ce que t'as vu Zombieland? J'ai pas vu, mais c'est la seule affaire qui survit à une attaque de zombies, je pense, c'est ça? Non, c'est que le gars, dans tout le film, il cherche un foutu Twinkie pour manger son dernier Twinkie de sa vie parce que là, il en trouve pas. Puis c'est comme un peu une histoire parallèle, si on veut. Et c'est très, très drôle. Et c'est là qu'on j'ai découvert c'est quoi le Twinkie. Mais j'en ai jamais mangé et je veux en manger. Ben, tu vas peut-être pouvoir en commander. Non, c'est pas vrai. Non, j'en ai déjà mangé. Comment ça, non? Oui, c'est vrai. J'ai le cousin de mon chum qui est allé aux États-Unis puis ils ont vu une boîte de Twinkies. Ils ont ramené ça. Puis on s'était comme tout partagé. Mais... c'est vraiment vague, là. Mais effectivement, c'est comme la demi-lune, mais beaucoup trop sucrée. Plus sucrée encore, J'ai pas tant trippé, honnêtement. Ah oui, j'aurais pas pensé que... Oui, il me semble que c'était beaucoup plus sucré, mais c'est vague, là. Tu sais, honnêtement, c'est pas quelque chose... de super capotant, là. OK, parfait. Donc, ça vaut pas la peine de les chercher, mettons. Mais tu as vu que lorsque le plus récent X-Men est sorti, il a fait des Twinkies avec de la crème bleue dedans? Pour vrai? Ouais, c'est vrai. Donc, Twinkies, la Golden Sponge Cake with Creamy Filling. Donc, le gâteau spongieux avec remplissage à la crème, fourré à la crème, a été inventé en 1932 par un pâtissier nommé James Alexander Dewar qui a conçu cette idée-là. Il voulait utiliser des machines pour fourrer avec de la crème, des machines qui précédemment ne fourraient que des petits gâteaux, des shortcakes avec de la crème aux fraises. Donc, il voulait remplir... attends un peu, excuse-moi. Je comprends pas la phrase... Only stuffed shortcakes with in-season strawberry cream to fill cakes with banana cream. OK, parce qu'il voulait remplir de bananes le reste de l'année. Donc, dans la saison des fraises, il remplissait avec de la crème de fraise et le reste de l'année, il voulait la remplir ça avec de la crème de banane. Quelle idée de génie! C'est vraiment pour faire ça à l'année, je pense que ça vaut la peine. Donc, le premier Twinkie avait de la crème de banane. Oh! Mais il y avait une ration, pas une ration, mais on a comme un rationnement des bananes pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a fait qu'ils ont dû changer pour la crème à la vanille. Et c'était assez populaire ensuite pour rester, même quand les bananes ont recommencé à être répandues. Mais non, moi j'en veux aux bananes. Ben, j'avoue que s'ils pouvaient ramener lors de leur prochain anniversaire, peut-être en 2032, les Twinkies à la banane comme variété additionnelle, ce serait pas de refus. Ça serait bon, hein? Ensuite, toujours dans la liste interminable des collations les plus vieilles qu'on mange toujours aujourd'hui, le Jell-O. Ben oui, classique. L'ingrédient clé du Jell-O, c'est la gélatine. C'est utilisé pour tenir des desserts ensemble et d'autres trucs sucrés. Les moules de Jell-O étaient un dessert très, très convoité pendant l'ère victorienne. Mais étant donné que la gélatine était difficile à fabriquer, c'est pas devenu populaire avec le public jusqu'à ce que Peter Cooper brevette la gélatine en poudre en 1845. En 1897, Pearl Bixby Walt a mis déposé une marque de commerce pour sa gélatine en poudre, donc nommée Jell-O. De nouvelles saveurs ont suivi et le reste fait partie de l'histoire. On a déjà parlé dans une autre chronique quelconque de différentes sortes de Jell-O qui avait à travers le temps. Il y avait des Jell-O aux légumes, c'était vraiment bizarre. Pour vrai? À l'époque. Allez chercher le petit lien, là. Il y a ça quelque part de drôle de saveurs de Jell-O. Ça devait être bizarre. Moi, ça me fait penser à justement la liste que tu as faite des produits qu'on nomme par le nom de marque et non par le nom de produits génériques. Et Jell-O en serait un bon exemple. Exactement. Sinon, ce serait gélatine en poudre à différentes saveurs simulées. Hein? C'est ça. C'est horrible. C'est un peu laid. Ouais. Ensuite, les guimauves. Ah, ben oui. Ben oui, les guimauves qui existent depuis l'Égypte antique, ancienne. C'était utilisé pour calmer les maux de gorge avec... c'était un petit peu sucré ou un miel. Et d'autres affaires pour que ça fonctionne bien. On est loin de l'huile de foie de morue. Genre, au 19e siècle, les pâtissiers et comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Confectionneurs? Confectionnés? Non, c'est quoi? Non, les personnes qui font ça, qui confectionnent. Les cuisiniers. Les cuisiniers français, bref, ont mélangé les choses un petit peu en rajoutant en fouettant. Je comprends rien. En fouettant ces affaires-là, les marshmallows, pour faire ce que c'est devenu finalement, c'est devenir cette petite boule de guimauve qu'on mange aujourd'hui. En 1948, le processus d'extrusion a rendu possible que les guimauves soient fabriquées dans un environnement automatisé, donc en usine, grâce à des machines qui leur donnaient leur forme cylindrique, pour lesquelles on les reconnaît maintenant, mais à l'époque, c'était juste fouetté pour faire une forme de guimauve, genre. Il paraît que c'est quelque chose de très, très, très facile à faire. OK. Il faudrait que j'essaye un jour. Ouais, ce serait pas pire. J'aimerais ça. Fais-nous une recette de ça dans Monsieur Steph. Mais de guimauve, simple de même. Sûrement, tu peux trouver des guimauves fancy, c'est que t'as l'affaire. Non, c'est trop de base. Trop de base. C'est pas ça. T'as bien raison. T'es à un stade, comment dire, supérieur. Et étant donné que je crois que j'ai trouvé ma recette la semaine prochaine, tu vas capoter. Tu vas capoter. Je capote déjà. Donc, ensuite, ça, je les connais pas du tout et même que je me demande si j'en parle, mais c'est les Necco Wafers, vu que j'ai commencé ma phrase. Necco Wafers, je ne connais pas. Moi non plus. C'est un des premiers bonbons aux États-Unis. C'est la New England Confectionery Company, ou Necco, qui a fabriqué ses gaufrettes en 1847 pour la première fois. C'était un petit cadeau mince. C'était leur signature, si on veut, ils donnaient ça aux gens. C'est une collation toute mince qui doit son histoire à Oliver Chase, qui a inventé une machine à découper qui permettait aux tranches d'être aussi minces que ça. Je ne sais pas en quoi c'est fait. C'est une gaufrette. Ça ressemble, on dirait, des hosties épais aux fruits. J'ai l'impression... C'est bizarre, hein? À l'œil, ça ressemble aux roquettes. Oui, mais... Le style de couleur et tout ça, mais c'est supposé être comme gaufré, ça doit être vraiment comme des hosties. Peut-être comme des hosties ou comme vraiment les biscuits, des gaufrettes avec de la crème. Je pense pas parce que ça a l'air plus compact. Ouais. Si tu regardes, il y a comme pas de place pour laisser passer de l'air et d'être crunchy. Ben tu vois, celui-là me fait me poser des questions. C'est donc les Necco. Mais le reste de la liste, je pense qu'on s'est quand même amusé. C'était la liste des collations vieilles qu'on mange encore aujourd'hui. C'est cool. Très cool. Il y a des trucs, je savais pas que c'était aussi vieux. Non, c'est ça, on se serait jamais douté de ça parce que ça a l'air récent. Quand tu regardes, puis quand tu manges, puis en effet, c'était fabriqué récemment. Ils ont sûrement changé les recettes une fois de temps en temps là-dedans aussi. Donc voilà, pour son foutu palmarès. On prend une pause, on revient avec les instructions d'assemblage et ensuite le poste d'écoute d'assemblage requis. S'il te plaît. Restez, vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 9h30. du monde. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Mathieu Plante, c'est mon nom. Stéphanie Paradis, c'est moi. C'est vrai, il nous reste encore une heure. Tu m'as dit tantôt, tu m'as fait la réflexion intelligente, comme toujours, parce que la plupart de tes réflexions sont intelligentes. Merci, c'est gentil. Qu'on n'avait pas joué de chanson depuis comme le début de l'émission, il y a une heure. Fait qu'on pourrait peut-être être dû, tu sais. Ça serait une bonne idée, je pense. Voici Mordor Sister et Enjoy. Enjoy. Sur 89.1 FM. Amusez-vous. Savourez-la. Enjoy. The little creep you put in me that I imply. When the pressure gets too deep, I hide. That some man was out for my blood. Could I pay him what it's worth? With the life I'm spending the mind. One, two, three, don't fuck with me. Sister et la pièce Enjoy à Assemblage requis. C'est tout le temps qu'on avait à perdre pour de la musique. Retournons immédiatement à notre contenu. Hey, hein? Tu es en train de dire que ma chronique de tantôt, c'est du temps perdu? Peut-être. On va avoir de la musique. La raison qu'on n'a pas joué de musique depuis une heure, c'est parce qu'on va avoir beaucoup de musique à la fin de l'émission avec le poste d'écoute. Quatre chansons. Puis peut-être même de la musique du monde. On va voir. Mais avant ça, pour l'instant, apprenons comment mieux vivre, parce que moi, j'aime dire des choses que je vais certainement pas suivre. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. J'ai comme de réaliser, c'est pas genre, t'as un peu. Numéro 17, repliez le tige numéro entre vous. Prenez quelques vis numéro 77 hein? Et boulinez les lait, ouais, okay. Numéro 39. Serrez ardemment avec... Serrez ardemment, c'est pas serrez ardemment. On dit pas ardemment. Ouais, mais ça marche pas. On dirait que je viens de réaliser ça. Hey, c'est les instructions d'assemblage où on apprend comment mieux vivre. On se donne des règles à suivre dans la vie. Il y en a quelques-unes qui vont coller. Il y en a quelques-unes que vous n'allez pas vouloir suivre. Il y en a qui vont aller à l'encontre de vos principes de vie. Donc, prenez pas ça pour du cash. Là, ça arrive qu'il y a des affaires là-dedans que je crois même pas moi-même. Mais je vous l'ai dit, au cas où que ça vous intéresse et que ça vous serve à quelque chose dans la vie, n'est-ce pas, Steph? Bien sûr. Commençons par la première règle à utiliser pour combattre le mauvais genre de perfectionnisme. Es-tu perfectionniste? Ça dépend ce que je fais. OK. Moi, je me dirais perfectionniste en tout temps et ça m'énerve vraiment d'être comme ça. T'sais, mais il y a deux genres de perfectionnistes dans la vie. Il y a les perfectionnistes adaptatifs et les perfectionnistes mal adaptatifs. On dit adaptif et mal adaptif. Il y a sûrement des mots en français qui sont plus appropriés que ça. Mal adaptif, parce qu'on dit adaptateur, En tout cas, bref, peu importe. Bon. Donc, le type de perfectionnisme adaptif, eux, ils vont travailler pour développer leurs habiletés, leurs capacités. Leurs standards sont toujours de plus en plus hauts. Ils vont approcher le travail avec de l'optimisme, du plaisir et un désir de s'améliorer. Donc, ça, c'est un bon type de perfectionnisme. Le maladaptif ou maladaptatif, ou peu importe, n'est jamais satisfait de ce qu'il fait. Donc, si quelque chose n'est pas parfait, ils vont recommencer à zéro. Et ça, malheureusement, je dois l'avouer, c'est mon genre de perfectionnisme. Quand j'ai refait les intros d'Assemblage Requis, j'ai dû refaire tout. Environ trois fois parce que j'étais pas content, tu sais. Ouais. C'est comme ça que ça, c'est un problème mental. C'est un problème mental, clairement, et ça, ben, il faut consulter pour ça. Donc, on va avoir l'expérience, par exemple, de la peur, de l'échec, le doute, on va être malheureux, etc. Donc, c'est des émotions qui sont douloureuses. Donc, les petits conseils à avoir, c'est de reformuler ces phrases qu'on se dit pour être plus flexible et se pardonner soi-même. Par exemple, si tu ne suggères jamais d'idées lors d'une équipe de brainstorming ou de remue-ménage en équipe, parce qu'il n'y a jamais assez de temps pour penser à ce que tu veux dire, t'as peur de suggérer une idée pour te faire avoir l'air fou, donc tu gardes ça pour toi, ta règle personnelle est que tu ne devrais jamais offrir une idée à moins d'avoir eu beaucoup de temps pour y penser. Ça, c'est ta règle d'habitude de base. On formule cette phrase-là dans notre tête sans savoir. Donc, on pourrait réajuster cette règle-là en disant « Les idées n'ont pas à être parfaites pendant une session de remue-ménage. La raison même de remue-ménage est de lancer des idées, voir ce qui colle. Donc, on doit envoyer des idées rough un peu, en parler et ensuite déterminer si elles sont bonnes. Donc, l'équipe va apprécier mon point de vue. » Ça pourrait être comme ça, tu reformulerais la phrase. C'est oui, vrai. Tout à fait. Difficile à faire, plus facile à dire qu'à faire, ouais. Évidemment. Parce que le perfectionnisme peut mener à de la procrastination et à du stress, bien sûr, quand ça arrive à des niveaux qui sont ingérables. Mm-hmm. Ensuite, ça, c'est une règle que je devrais moi-même écouter. La prochaine, c'est pour ceux qui ont un tiroir qui n'arrive pas à ouvrir parce que la poignée est cassée ou est enlevée. Il n'y a plus de façon d'ouvrir le tiroir. Tu tires sur les côtés, ça ne s'ouvre pas. D'utiliser un débouche-toilette pour ouvrir ton tiroir. Hein? Pas pire, hein? Donc, si t'as plus de poignée sur ton tiroir, tout ce que t'as à faire, c'est de prendre ton plongeur, qu'on appelle, donc la personne qui lave la vaisselle dans un restaurant, et tu le mets. Prendre ton truc des bouches-toilettes, un siphon, tu le mets sur le devant du tiroir, bien sûr, tu compresses, tu tires quelques fois et ça devrait éventuellement ouvrir ton tiroir. Ça se peut que ce soit difficile à faire, mais quand ça va être ouvert, tu vas pouvoir remplacer la poignée facilement. Ouais, mais c'est pas un peu dégueulasse? J'espère que tu l'as laissé tremper dans du savon dans ton bain, ton débouche-toilette, hein, tu sais. Ben non, mais je sais pas. Ça m'écœure. Ouais, ça t'écœure, mais lave le tiroir après, là. Tu me dis que je suis dédaigneux. Non, mais... Tu sais. Je comprends pas comment tu peux pas ouvrir un tiroir. T'as tout le temps des coches où tu peux mettre tes doigts. S'il est vraiment, vraiment compressé contre le meuble, puis qu'il y a plus de poignée du tout, puis il y a pas de poing. Je sais pas. Ah, en tout cas. Il y a d'autres affaires avec des suces au bout d'autres qu'un siphon. C'est vrai, ta bouche. Ensuite, c'est con. Ensuite, une chaise. Il y a une patte qui balotte. It's a balloting patte. Ça arrive souvent, ça. It's balloting. You don't like it? No. Donc, tu veux que ça arrête de balotter. C'est super simple de prendre un liège de vin. Hein? Ah, un bouchon de liège. Un bouchon de liège, tu le coupes, tu le coutelles à la bonne épaisseur et tu vas coller ça avec de la colle vraiment intense, de la colle de la crazy glue, on va se le dire. Donc, tu vas mesurer évidemment la grandeur. Ah, un autre objet qu'on utilise, le nom de marque. Ben oui, comment ça qu'on dit pas de la colle folle? La colle folle. La colle folle. La colle folle. C'est pas la colle forte. Non, c'est de la crazy. C'est crazy, man. C'est comme c'est fou. It's crazy that, you know? Ah, regarde. Donc, coller le bout de... Ah, regarde avec des yeux bizarres. Coller le bout de liège à la patte de chaise. On dit de ne pas prendre le bout qui a eu contact avec le vin. Quoi? Parce que ça pourrait tacher votre plancher. Non, mais de toute façon, si t'as un bout à couper, coupe dans celui-là. Tu sais, c'est comme ça, pas cave, là. Hein, les marrons, là. Hein? Donc, c'est selon Mother Nature Network. Ensuite, si vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas même, je veux dire correctement, à choisir entre deux choses, on nous dit de considérer d'acheter aucune des deux. Celui-là, tu vois, je ne le crois pas nécessairement. Moi, je dirais achète les deux. Ah, c'est, toi oui, aussi, OK, hein? Ben suivons celui-là puis laissons faire à l'article. Donc, quand tu essaies de magasiner de façon attentive, tu vas comparer deux produits ensemble. Peut-être, mettons, on va s'inventer, mettons, une raison. Mettons, tu veux choisir entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Mettons. Oui, tout à fait, au hasard, exemple. C'est un exemple. Donc, la pire habitude que tu pourrais avoir, ce serait de l'acheter par impulsion. Tu vas arriver au magasin, wow, l'iPhone 6 Plus, c'est un grand écran, tu vas l'acheter, tu sais, des trucs comme ça. Donc, d'autres vont vraiment peser les pour et les contre. Et chez Apartment Therapy, on dit que si t'es pas capable de choisir entre deux paires de sandales, c'est peut-être parce que tu les aimes pas, les deux. Mais c'est vrai. Ça peut être vrai, tu sais. Donc, tu devrais juste pas en acheter et aller voir une troisième option ou aller voir ailleurs, tu comprends? Peut-être que pour l'iPhone 6 Plus, ça marche moins parce qu'il n'y a pas vraiment de troisième modèle, hein? Oui, hein? Non, je comprends. Mais quand même, donc pensez-y, je vais essayer un autre, l'option C, l'option secrète. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se penser. Si tu hésites entre deux choses qui font le même travail, là, ouais. On s'entend, là, comme les sandales, mais c'est ça, si c'est peut-être parce que tu n'as juste pas un gros coup de cœur. Oui, c'est ça. Puis que là, tu en achètes une, puis après, tu fais comme... « Oh non, c'est celle-là que j'aurais dû acheter. » Exactement. Ça me rappelle l'esprit du... en anglais, on dit « settling ». C'est de choisir, mettons, un mari parce que t'es rendu à l'âge où tu devrais être marié puis tu settles c'est, pour celui qui est là de toute façon à la place de chercher la personne que tu veux. Même chose pour les sandales, même chose pour l'iPhone 6. Tu sais, achetez au pire l'iPhone 6 Plus, mettons, puis si vous l'aimez pas, retournez-le puis achetez le 6. C'est ça, les sandales, si t'es pas mises, tu peux aller les échanger. Voilà. Ton chum, moins. Tu te maries... Après ça, c'est un peu plus compliqué, là. C'est ça. Justement, parlant de retour en magasin, si vous n'arrivez pas à justifier un achat après 3 jours, retournez-le donc au magasin juste pour le fun, voir. Juste pour le fun. Juste pour le fun. Donc, le moment menant à l'achat est rempli de justifications. On va rationaliser notre achat en disant que ah, tu sais, j'aurais dépensé sur d'autres choses, là, je dépense sur ça, c'est pas grave, ça se compense. Puis, tu sais, moi, c'est comme ça que je magasine dans la vie. Je compense et je rationalise les choses. Alors que clairement, je n'aurais pas dû acheter ce que j'ai acheté et je fais ça beaucoup trop souvent. Oui. Donc, si vous luttez avec cette décision-là, encore quelques jours plus tard, vous vous dites j'aurais pas dû l'acheter, est-ce que j'aurais dû, est-ce que je l'utilise, est-ce que je vais m'en servir. Donc, la plupart du temps, on peut le rembourser, que ce soit gadget, vêtements, meubles, à l'intérieur d'au moins une semaine. Le blog financier Plunged in Debt nous dit qu'on fait tous des achats pour le plaisir, mais que si on a des regrets, c'est là qu'il ne faut pas hésiter à le rembourser. Mm-hmm. Évidemment, là, on disait au moins une semaine. Ça dépend des magasins. Je pense qu'au Québec, il y a une loi. Là, je pense qu'il y a un minimum requis. C'est 30 jours, je pense crois. Que c'est 30 jours, sauf les appareils électroniques où là, c'est genre 14 jours. Je sais que les téléphones cellulaires, c'est 14 jours. OK. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, appliquez la règle du 80-20 pour vous débarrasser de vieilles affaires. Non, moi, je garde tout. Ouais, ben, moi aussi, en fait. Mais personne aime avoir trop d'affaires à la maison. Des cassettes! Des cassettes vidéo? C'est une grosse pile de cassettes. J'ai pas vu la photo, c'est des cassettes de... Des cassettes audio, en effet. Mais ben ça, non. Ça, non? Vidéo, mais il y en a juste comme 40 200. Ça se peut. Hein. Mais bref, ça peut être difficile de se débarrasser de certaines choses. Chez The Wall Street Journal, Jennifer Baumgartner nous suggère d'appliquer la règle du 80-20 en utilisant l'exemple des vêtements. Donc, la plupart des gens vont porter seulement 20% de leurs vêtements 80% du temps. Comprends-tu ce que ça veut dire? Oui, oui. La plupart du reste de tes vêtements, dans ce cas-ci, va refléter, par exemple, ton ancien poids, peut-être. Une ancienne image que tu avais toi-même, donc une ancienne mode que tu suivais ou quelque chose comme ça. Ça peut être le passé, ça peut te rappeler un ex ou quelque chose comme ça. Donc, tu ne porteras pas ces vêtements-là pour ça. Il faut que tu reconnaisses ça. Si tu veux avancer dans la vie, c'est de relâcher le passé, nous dit-on. Et ça commence avec votre façon de vous habiller. C'est dans le livre qui s'appelle « You are what you wear ». Donc, essentiellement, ça veut dire de se débarrasser assez de ce qu'on porte pas, ça peut s'appliquer à n'importe quoi d'autre, les gadgets. Et ce qui est fun avec les gadgets, entre autres, c'est que vous pouvez faire de l'argent pour acheter de nouveaux gadgets. Mm-hmm. Vous pouvez aussi suivre la règle, ça on l'a déjà dit, de quelque chose qui entre doit éliminer quelque chose d'autre, un peu comme la chronique Palmarès in Peace au Palmarès. Ouais, ouais. Quand quelque chose entre, on doit se débarrasser des autres pièces dans le palmarès. C'est la même chose dans la vie, tout le temps avoir le même, peut-être, nombre de choses, mais il y a un roulement. Ouais. C'est une façon de voir les choses, je suis pas sûr que je le ferais moi-même, mais ça pourrait vous aider. Bon. Ah. C'est le but de la chronique en même temps. Celui-là, je pense, est un petit peu plus utile pour tout le monde. En tout cas, je pense qu'on pourrait pas vraiment dire que c'est pas un bon conseil. C'est d'utiliser un in-tray. Vous savez, dans les bureaux, on a tout le temps des pigeonniers. Des fois, on appelle ça comme ça. T'as le in et le out, des trucs qui sont sortants ou entrants. Bon. Donc, utilisez ces paniers-là en dessous de votre lavabo. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, ça peut être difficile de mettre vos trucs à recycler jusqu'à ce que vous ayez après ça à aller. Des fois, on va avoir une boîte de carton. Des fois, on va avoir, un bac à recyclage dans le corridor ou quelque chose comme ça. C'est juste pas beau dans un garde-robe. Alors qu'en dessous de l'évier, c'est beaucoup plus facile. Tu peux avoir ces pigeonniers-là. Tu peux classer, par exemple, tu pourrais même mettre peut-être des canettes de liqueur si t'en bois pas trop. Là-dedans, divisé en catégories, et quand c'est le moment d'aller les porter, c'est beaucoup plus facile à transporter qu'un gros bac, et ça prend pas de place, c'est visuellement pas trop dérangeant, et ça coûte vraiment pas cher, en plus, ces petits trays-là. Voilà. Ensuite, tu t'es peut-être déjà demandé comment nettoyer une bouteille, tu sais, les bouteilles d'eau réutilisables, mais qui sont en acier inoxydable. Non. Non? Jamais? Parce que moi, je me suis toujours posé la question, comment tu fais? T'es supposé prendre une brosse, là, genre une petite brosse vraiment filiforme? Ben, j'en ai pas, fait que... Moi, je les aime pas, ces bouteilles-là. Non, moi non plus. Vraiment pas. C'est justement pas lavable. Mais on a un conseil pour vous aider à les laver. Parce que c'est quand même populaire. C'est populaire. Les gens ont souvent une bouteille en acier inoxydable, ça garde l'eau froide beaucoup plus longtemps. Il y a un paquet d'avantages à ça. C'est difficile de la casser aussi, hein, étant donné qu'elle est en acier. En plastique juste... aussi. Excuse-moi? En plastique aussi, c'est quand même plus dur à casser. Moi, dur à casser, mais j'ai acheté une bouteille en plastique puis elle a cassé quand j'ai échappé une fois. Est-ce que c'était une Tupperware? Non, c'est une Brita. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une Tupperware. Avec une pastille pour les dentiers, Stéphane. Ben oui, les bouteilles d'eau réutilisables, c'est super le fun, mais c'est difficile à laver. Donc, on lance un petit truc. Est-ce qu'il faut vraiment que tu le lances? Je te dirais que ça peut être un défi amusant. Donc, tu peux déposer ta pastille dedans. Donc, ce que tu fais, OK. Tu brosses, OK? Tu remplis ce petit brosse. Il faut quand même que tu brosses un peu pour enlever la crasse. Oui, mais on voit pas l'intérieur. Non, c'est ça. Mais fait sommairement brosser, ça va au moins libérer les particules, OK? Donc, ensuite, tu vas remplir ta bouteille avec de l'eau et tu vas ajouter une ou deux pastilles de nettoyage de dentier, OK? OK. On va laisser ça toute la nuit. Et la bouteille va être comme neuve le lendemain. C'est ça. Donc, il faut juste pas oublier de frotter parce que ça va pas décrasser les côtés. C'est pas vraiment fait pour ça, mais quand même. Ça pourrait aussi fonctionner pour une théière. Ah oui! Pour un café, une carafe à café. Une théière à café. Parce que t'en as des trucs à café que tu fais sur le poêle, là? La cuisinière. Ça peut être ça. Ça peut aussi être celui qui est en vitre, qui est dans une cafetière normale. Tu vas juste mettre ça là-dedans. Un silex, genre, c'est ça. Ça pourrait être bon pour une bouteille de vin. Si vous avez peut-être cassé la pastille en plusieurs morceaux. Les pichets à eau. Même la toilette, nous dit-on. Ah. Ça déloge les trucs, les minéraux et la moisissure et les affaires comme ça qui ont pu s'emmagasiner là-dedans. Ben là, on s'en va tous acheter des pastilles à dentier. Mais hein? T'as envie d'y manger ou ça s'appelle des pastilles, par exemple? Non. Non. Les pastilles pour des urinoirs, tu manges ça, toi? J'appelle ça des gâteaux. Parce qu'en anglais, c'est des urinal cakes. Je trouve ça bien drôle. Des petits gâteaux d'urinoirs. C'est vrai. Ensuite, on vous suggère, encore une fois, là, ça, on a l'air un petit peu de faire la morale. Là, c'est vraiment pas le cas. Là, c'est juste des conseils de vie qu'on vous donne. Par exemple, de suivre des amis qui ont le même genre de budget que vous pour éviter ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Hein? Uh-huh. Donc, avoir une promotion, c'est peut-être bien, on veut célébrer et tout ça, mais peut-être que ça va changer vos habitudes de vie. Vous allez peut-être vous tenir avec des gens qui ont un budget similaire et ça va faire que vous allez dépenser plus et donc vous allez avoir moins d'argent dans vos poches. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est l'inflation du style de vie qui est un piège que bien des gens vont vivre quand ils ont une augmentation de salaire. C'est plus facile de l'éliminer selon le blog financier Money Crashers en essayant d'être ami avec des gens qui ont le même budget que vous. C'est sûr que si vous avez une bonne amie, vraiment quelqu'un de vraiment proche puis qui a un meilleur salaire que vous, vous n'avez pas le conseil, c'est pas d'arrêter d'être ami avec eux. Non. Mais quand vous avez à vous faire des amis dans un environnement de travail, vos nouveaux amis, vous allez choisir des gens qui ont les mêmes goûts que vous, qui vont sortir pas dans un restaurant ultra fancy, ils iront pas souper au poivre noir à chaque semaine, ils vont aller souper dans un restaurant plus commun, c'est mettons. Hein? Oh oui, mais généralement, dans la vie, on se fait avec des gens qui ont relativement le même salaire, mais je pense que ça se fait tout seul. Naturellement. Parce qu'on se tient dans le même genre d'endroit. Exactement. Et souvent, il va y avoir peut-être aussi le style de conversation, de sujet qui t'intéresse, qui va être plus similaire, selon moi. Les sujets politiques, des fois, des gens riches vont peut-être plus, tu sais, on veut pas faire de préjugés, mais plus de droite, donc vous n'allez pas nécessairement vous tenir avec eux autres si vous êtes plus de gauche. C'est plein de facteurs comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc, je pense que ça va relativement de soi. Vraiment. Et ça va aussi avec non seulement les sorties dans les restaurants, ça va être la boisson. Vous allez boire, les gens des fois vont offrir à payer la boisson pour tout le monde parce qu'ils sont super riches, sont garnis. T'sais. Puis toi, ben j'aimerais en avoir un ami de même, ça moi, qui m'offre la boisson. Mais s'il faisait ça et que tu avais le même salaire que lui, là, tu pourrais te permettre d'acheter beaucoup de boissons. Puis là, ben, ça va faire que tu vas avoir moins d'argent dans ta poche au final. Tu vas être plus saoul. Et voilà. C'est en effet assez de base comme conseil. Celui-là, par contre, est aussi de base, mais on n'y aurait peut-être pas pensé, c'est d'utiliser des filtres à café pour protéger votre vaisselle. Ah? Des filtres à café, ça peut faire plus que seulement filtrer du café. On a utilisé à la chaise-galerie récemment des filtres à café pour faire infuser du thé parce qu'on n'avait pas de petite boule à thé. Mm-hmm. Ça peut servir à ça. Une boule à thé, c'est ça, on dirait. Il y a comme la boule à mythe, mais... Oh! Il n'y a aucune religion. OK, c'est boule. Boule à thé. Boulier. Okay. Donc, les filtres à café sont de la forme parfaite pour empêcher votre vaisselle de frapper l'une contre l'autre, par exemple lors d'un déménagement. En plus, c'est super pas cher, c'est super doux. Vous pouvez l'utiliser pour mettre votre vaisselle dans les armoires aussi, pour empêcher de faire du beding-beding tout le temps. Si vous faites la vaisselle... Ça pourrait être bien aussi quand t'as des poils... anti-adhésif, ben et oui, que tu les empiles, ben le fond de une peut briser l'intérieur de l'autre. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. You are correct, sir. Ensuite, utilisez du velcro derrière votre porte-poussière et votre balai pour sauver, économiser de l'espace verticalement parlant. Hein? Donc, si vous manquez d'espace, les solutions verticales sont vraiment idéales parce que, Colin, ça aide. On manque d'espace horizontal, mais il y a de l'espace vertical pas mal plus qu'on pense qu'on s'en sert pas. T'sais. Donc, mettez du velcro dessus. C'est sûr que c'est super affreux, mais chez Apartment Therapy, on suggère d'attacher... Mais je veux dire, c'est pas beau. De toute façon, un porte-poussoir... C'est parce que j'ai appelé ça de même toute ma vie, puis je trouvais ça drôle, un porte-poussoir. Mais le porte-poussière. C'est pas beau, et le velcro non plus. Beau. Donc, deux affaires pas belles ensemble, qu'est-ce que ça fait, ça s'annule. N'est-ce pas? C'est ça, ouais, c'est ça, fait que ça devient beau. Ça devient une œuvre d'art. Donc, on suggère. Comme ta face puis ton t-shirt. Va donc, va donc, va donc. Donc. Je le trouve tellement drôle. On aurait pu penser qu'un aimant serait une bonne option, mais finalement, on nous dit que c'est difficile de trouver un aimant qui était assez... en fait, de trouver une bonne colle pour faire coller l'aimant et que ça tienne sur le mur alors que c'était trop dur, trop lourd. On vous dit de coller ça, par exemple, sur le côté d'un réfrigérateur, par exemple. Peut-être. Le collant, le velcro, peut-être pour sauver de la place. Je sais pas. Moi, je le mettrais dans un garde-robe sur le côté. Ben oui, qui garde son bon... Je sais pas. À côté du frigo. Sinon, même, j'achèterais probablement un porte-balai qu'on utilise, qui se met sur le mur et que c'est comme ça se snap le balai. Ah oui, mais je sais pas, je suis le balai en arrière de la porte, moi, il me dérange c'est pas. C'est bien correct. Ou sinon, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pour l'économiser le plancher, peut-être. T'sais. Dans le fond, on veut économiser de l'espace horizontal en le mettant à la verticale pour justement peut-être pouvoir mettre un rack à souliers à la place dans le coin, mettons. Si tu manques de coin dans ta maison. Il y a des raisons de le faire, mais peut-être que l'exécution est pas super bien dans l'article. Moi, je dirais un truc pour snapper ton balai, ou sinon, prends un balai avec un trou dans la poignée et un crochet pour l'accrocher. Ce serait plus beau que du velcro, on va se dire. On va se le dire. Même principe d'attacher des boîtes, et ça, vraiment, là, faites pas ça comme ils disent. Suivez pas exactement le conseil de l'article. Là. Mais on dit d'attacher des boîtes de papier d'aluminium et de papier genre cellophane sur le côté de votre réfrigérateur. Pour vrai, non, faites pas ça. Avec des aimants qu'ils disent, tu sais. De rares aimants très, très solides, très, très fortes à l'intérieur de la boîte de papier ciré, etc., papier parchemin, sur le côté du réfrigérateur, n'importe où sauf là. À chaque fois que tu t'achètes une nouvelle boîte d'aluminium, il faut que tu colles un aimant à l'intérieur. Ouais. Puis là, quand les gens arrivent chez vous, tu as ta rangée de papier collé après le frigo. C'est affreux. Moi, je dirais pas nécessairement de coller l'aimant dans la boîte, parce que si vous avez des aimants vraiment, vraiment forts ou fortes, des aimants féminins ou masculins, peu importe. Un aimant? Un aimant. C'est ouais, que tu peux le mettre à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte. Et c'est facile d'enlever l'aimant et prendre la boîte puis faire ce que vous avez à faire puis le remettre sur le frigo. Mais pour vrai, c'est juste affreux. Moi, je vous dirais de mettre ça dans une armoire. Dans une armoire. On a toute une armoire semi-inaccessible. En haut, complètement. Ben, c'est oui, ce que je fais. Ben, exactement. Ensuite, avec les céréales. Ben oui. Économiser de la place, encore une fois, là, c'est vraiment une thématique d'économie de place. Mettons, vous avez trop de bas. Moi, j'ai le problème de ne pas avoir de tiroir à bas. OK. Donc, je mets mes bas dans le garde-robe sur la tablette du haut. OK. Et mes bas sont comme dans une genre de pyramide, une montagne de sable de bas. Un peu comme la montagne de sable à Trois-Rivières-Ouest. Comme ça, des sables mouvants. Genre, c'est ça. Des bas mouvants. Et pas mal ça. Et ça tombe comme une avalanche tout le temps. Donc, ce truc-là pourrait prendre moins de place. C'est une façon, comment dire, simple, je dirais, par un utilisateur de YouTube qui est Crazy Russian Hacker. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre les deux bas par-dessus l'autre, okay, et de descendre le bas qui est sur le dessus un tout petit peu. Okay, donc, pas égal, tu le descends un petit peu. Ensuite, tu roules les bas. Très, très, très serré. Tu roules, jusqu'à temps qu'il reste seulement l'élastique. Et là, après ça, tu passes l'élastique autour du reste. Tu sauves là, probablement la moitié de l'espace, je dirais. Est-ce que tu regardes la vidéo un petit peu? Moi, j'essaie de regarder ça. Il plie le haut du deuxième bas pour enlever une longueur. OK. Puis là, ensuite, il roule. Tu roules comme un joint. Ouais. Ou une... Très, très serré. Ah, puis après ça, il le referme avec le petit bout d'élastique qui restait. Qui restait sur le premier bas qui était en dessous. C'est quand même bien, là. Ben, je sais pas. Non? Ouais. Je trouve ça efficace, t'sais. Pour dans des bagages, pour aller en voyage, tu as probablement de la place pour deux fois plus de bas. C'est long. Ben, c'est pas long, là. Toi, tu vas prendre le temps de plier tes bas comme ça? Ben, j'y pense. Moi, j'ai mis un par-dessus l'autre, j'ai plié en deux et je renverse. C'est ce qu'on fait tous, je pense, non? Non, moi, mon chum, il fait juste les mettre un par-dessus l'autre et il plie en deux. Ah, j'avoue, tu sauves du temps quand tu veux prendre ta part de bas pour les mettre, là, j'avoue. Hey, ça prend 2 secondes d'écart. Ouais. Ça, faut vraiment que tu prennes le temps de rouler. Ouais, mais toi, dans ton armoire, je te conseille juste de t'acheter un panier. Ben oui, c'est ce que tu peux toutes les mettre dedans. Fait qu'après ça, tu fais juste descendre le panier, tu as accès à regarder tous tes bas, ça va pas débouler, ils vont tous rester ensemble. C'est ça que ça te prend. C'est ça. Ensuite, quand vous allez à l'aéroport, entre autres, vous n'avez pas le droit d'amener du liquide dans certains... en fait, je pense que c'est la loi pas mal aux États-Unis, plus qu'un certain nombre de millilitres ou quelque chose comme ça. Mais ce conseil-là s'applique à la vie de tous les jours aussi. Eux, ils en parlent plus pour l'aviation. Moi, je vous dirais que c'est une idée de génie quand même en général. Tu sais, les bouteilles de colorants et de saveurs à boissons. Tu sais, les Mio et autres trucs. Moi, j'adore les Nestlé, entre autres, le thé glacé. Je trouve que les autres de la famille Nestlé goûtent parfait dans mon eau. Et j'ai tendance à les boire vite. Ça se finit quand même assez vite, une de ces bouteilles-là. Donc, prenez ces bouteilles-là et réutilisez-les pour mettre, par exemple, du shampoing. Des trucs comme ça à amener en voyage. Parce que comme ça, ça fait. C'est du. Il y a du no drip, là. C'est un bec qui ne coule que si tu appuies sur la bouteille. Un peu comme les bouteilles de ketchup, c'est si tu la tête en bas. En miniature, justement, tu pourrais probablement mettre du ketchup ou de la moutarde pour des trucs comme le camping, économiser de la place, encore une fois. Et évidemment, c'est pas comme si tu avais pris une bouteille qui avait du shampoing à l'origine puis qui restait de la saveur de shampoing. Ça avait de la saveur de jus. Fait que ça sert. Mais le jus, est-ce que. Vas-tu rester un petit peu de colorant? Puis là, tu vas te retrouver avec les cheveux mauves? Peut-être du colorant. Ça se pourrait, j'imagine. Donc, c'est chez Travelite qu'on suggère d'utiliser ces bouteilles de Water Enhancer pour mettre de la pâte à dents, de la lotion, peut-être solaire, du shampoing. Et c'est super simple à ouvrir, ces bouteilles-là, entre autres. C'est cool. C'est juste dommage que moi, j'aime pas ça, fait que je pourrais pas en avoir. Ah, c'est triste. Parce que ça goûte le sucralose, Splenda. Ben, c'est pour ça que j'aime le Nestlé. Celui-là, je trouve, ne goûte pas le sucralose. OK, OK. C'est ça. Mais est-ce qu'il y en a dedans? Je me rappelle pas, mais j'en ai essayé beaucoup de ces trucs-là. Okay. Puis c'est mes préférés. Ensuite, j'ai essayé quelque chose d'autre qui avait du sucralose dedans. Puis que ça... Attends un peu, qu'est-ce que j'ai bu ou mangé hier que je trouvais super bon? Puis là, ça me revient pas, je voulais le dire. Il y avait du sucralose dedans? Il y avait du sucralose dedans, puis je trouvais ça vraiment excellent. Étonnant, parce que c'est pas bon, du sucralose. J'ai complètement oublié ce que c'était. En tout cas, on s'en fout. Évitez de faire voler votre voiture en la peinturant ou en achetant un modèle d'une couleur moins volable, je vous dirais. Donc, lorsque vous achetez une voiture, vous avez sûrement tendance à choisir la couleur que vous préférez. Souvent, c'est noir. Hein? Ça fait que les voleurs les volent. Et justement, les risques de vol sont plus élevés. Les modèles noirs, bleus et argentés se vendent beaucoup mieux sur le marché. OK. C'est comme ça. Les voleurs, c'est ce qu'ils utilisent le plus. Et pourtant, la couleur de voiture la plus conduite au monde, c'est le blanc. Le blanc, pour vrai, j'aurais jamais pensé ça. Donc, si on opte un petit peu pour un jaune, un vert ou particulièrement un rose, nous dit-on, ça va vraiment empêcher de la faire voler. Il y a une voiture près de l'UQTR, on passe souvent devant les gens de l'UQTR. C'est une voiture fleurie mauve et rose. Oui. Bon. En effet, elle n'a pas encore été volée. Mais c'est parce que le problème, c'est que si tu voles cette voiture-là, tout le monde va la reconnaître. Oui. Oui. Je veux dire, tout le monde fait comme « Hey! » C'est le char là, t'es à côté de l'UQTR. Mais, en fait, moi, je voulais une voiture vert lime. Oui. C'était ce que je voulais comme voiture. Mais mon papa a dit « Oui, mais ça descend beaucoup la valeur de revente. Ah, » Donc oui, t'as moins de chances de t'en faire voler. Mais si tu veux la revendre après... la valeur va être beaucoup moins grande que si c'est une voiture justement avec une couleur plus, générique, plus neutre. C'est ça. Donc, ça se vend plus facilement aussi. Donc, tu risques de mieux rentrer dans ton argent aussi éventuellement. C'est clair, on voit tous des voitures des dernières décennies passer sur les routes avec des couleurs qu'on se serait jamais imaginé pourquoi est-ce que les gens ont acheté ça, parce que c'était à la mode à ce moment-là. Là, peut-être que le vert lime ou une autre couleur tendance en ce moment va être complètement passé date là, dans 5 ans, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et il y a beaucoup moins de gens qui vont vouloir avoir une voiture vert lime. Vraiment. On dit donc dans l'article que rose est la couleur parfaite pour ne pas se faire voler sa voiture. Dans un test, aucune des 109 voitures roses ont été volées depuis les dernières années dans leur test. Surtout si tu mets des cils au phare de tes voitures. Il ambitionne un peu sa photo, hein? Non, pour vrai, je trouve ça quétaine. Je suis désolée pour ceux qui ont des cils sur leur voiture. Non, t'es pas désolée. On s'assume dans nos propos. On trouve ça vraiment quétaine, OK? Mais non, mais je suis désolée pour vous d'avoir choisi ça. Pas désolée de vous avoir offusqué, là. Non, mais je comprends pas, tu sais. Ensuite, être quelqu'un qui sait parler, c'est une chose, mais être capable d'écouter, c'est beaucoup plus difficile. Faut travailler sur ses capacités, ses habiletés à écouter. Selon le Wall Street Journal, il y a quelques conseils. Je te l'ai dit, Steph, et tu prends tu prends ceux que tu veux. Pour commencer, prendre des notes pour garder le focus. Ça, c'est peut-être plus pendant un cours ou quelque chose comme ça, là, ou une réunion. Peut-être pas dans une conversation tous les jours. Conseil 2. Paraphraser et, dans le fond, paraphraser ce que tu penses que la personne vient de dire. Et demander si tu as raison. Si tu dis quelque chose, je vais le répéter dans d'autres mots. J'ai tendance à faire ça pas mal sans savoir. C'est autant dans quelle vie. Donc, tu répètes la phrase de l'autre personne dans d'autres mots et tu lui demandes c'est sûr que tu voulais dire. Ouais, ça passe bien. Mais ça arrive des fois qu'on le fait sans vraiment s'en rendre compte. Ben, des fois, on fait ça, je te dirais, puis on se rend pas vraiment compte. De ce que... c'était pas d'autres mots, c'était la même chose. C'était désagréable. Ouais, c'est ça. De poser des questions pour clarifier, aider à ramener le focus à la conversation un petit peu, donc poser des questions pour vraiment comme cibler un point qui a été dit. Ensuite, quatrième place, remarquer le langage corporel de la personne et ses expressions faciales comme source de ce que la personne veut dire. Si la personne a l'air fâchée, probablement que son discours était haineux ou quelque chose comme ça, et tu peux essayer de recentrer la conversation après ça. Ça se peut que sa face soit en lien avec ses propos. En lien, ferme la main droite avec ses propos, ferme la main gauche, rond vers la droite et finger de la main droite. Merci, Stan. et 5, utiliser les pauses pour réfléchir et ensuite essayer de retirer plus d'informations de ce que vous avez vu. Moi, c'est plus du genre à prendre à utiliser les pauses pour penser à d'autres choses. Puis la prochaine affaire que tu vas dire, genre... J'ai de la misère à garder le focus quand on me parle trop longtemps. Mais si c'est intéressant, je vais rester. Mais si ça me plaît plus ou moins, ça se peut que je pense à d'autres choses. Puis là, j'ai de la misère. Est-ce que ça peut être, mettons qu'on anime les palmarès C'est fou ensemble, puis je viens tout juste de dire que plus tard, on allait entendre le numéro 5 francophone. Non. Là, tu t'en rappelleras plus parce que t'écoutais pas ce que je disais, mettons. Non, ça, non? C'est juste parce que j'étais stressée. Okay. Puis que je voulais bien faire mon travail en disant ce que j'allais dire, mais que dans le fond, t'as fait différemment, puis là, j'étais... T'as déstabilisé un peu. Mais c'est pas parce que ça ne m'intéressait pas ce que tu disais. C'est plus, tu sais, d'un cours à l'université, là, des fois, là, quand t'as des petits bouts un petit peu plus plates, là, puis là, t'as un filet de bac. Mais j'ai toujours été très bonne pour avoir l'air d'écouter. T'en sortir, c'est ça, t'as l'apparence d'une fille qui écoute. Moi, je fais comme Bob dans une galaxie près de chez vous. Okay. Et mon cerveau se cache comme dans ce qu'on appelle le mou. Puis je peux comme... être pas là, m'avoir l'air là. Ah, c'est fantastique tout ça. Tout ça pour ça. Tant qu'à être là, on vous dit aussi un autre conseil additionnel. Lâchez donc votre maudit téléphone pendant que vous parlez avec quelqu'un, puis peut-être que vous êtes capable de l'écouter plus. T'sais. Juste ça de même. Oui. Juste ça de même. Oui. Et éliminez les distractions. Portez attention à ce que la personne dit. C'est important d'avoir des relations avec les gens. T'sais. Mais oui. Je veux dire, moi, pour vrai, j'ai absolument rien contre les gens qui textent, qui sont sur leur téléphone. Je fais ça souvent, moi, sur mon iPod. Mais si quelqu'un te parle, mon Dieu, décroche, là. Ben, c'est ça. C'est ça, l'affaire. Puis, si vraiment t'as un texto important à envoyer... Demande-le à l'autre, dis-lui, j'ai besoin de répondre à ça. C'est ça, excuse-moi, je vais finir ça, puis je suis à toi juste après. Exact. Puis arrête après, là. C'est bien dit, ça. Parce que ça arrive qu'une conversation par texto soit aussi importante qu'un appel téléphonique, là. Fait que quand quelqu'un est au téléphone en train de parler, tu l'interromps pas. Voilà. Tu vas pas arriver, puis... t'sais. Fait que si t'arrêtes d'écrire un texto, tu peux dire « Excuse-moi, je finis ça, puis je t'attends après. » T'es pas obligé d'être juste ailleurs. Ouais. Voilà, c'était les instructions d'assemblage pour aujourd'hui. Je pense qu'on a eu pas mal de de bons conseils là-dedans, des choses à suivre, des choses qui vont changer les vies. C'était plein. Plein. Full jam-packed. Et on fait les instructions d'assemblage les jeudis à Assemblage Rookie. Maintenant, on prend une petite pause. Au retour, c'est le poste d'écoute de Stéphanie Paradis. C'est moi. Oui, on écoute la nouvelle musique dans la discothèque de C'est fou. C'est dans quelques instants, je dirais. Deux instants. Fou de spectacle. Spectacle. Spectacle. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Oui, on se réveille tranquillement comme ça. Déjà rendu 9h08. Je pense qu'on commence à être réveillé. Non, pas tout le temps. Mais je sais pas, là. Ouais, j'ai réussi à bailler juste au moment où faut que je parte. Ben oui, c'était pourtant une chanson si entraînante comme intro. Mais ouais. Une autre intro entraînante qui va mener vers de la musique que j'espère a été choisie pour son entraînance. Hein? Son entraînance. Son entraînement, c'est le poste d'écoute d'Assemblage Rookie. Le poste d'écoute! Yeah. Assemblage requis! Bien sûr! Mathieu! Oui, Steph! J'ai eu un énorme coup de cœur! T'as eu un boner pour cet album-là, c'est sûr! Je suis vraiment, mais vraiment en amour! Je capote, c'est vraiment bon, ok? Est-ce que tu connais Gosling? Et je t'arrête tout de suite, non, Ryan ce n'est Gosling. Pas Ryan Gosling! C'est rendu une fille! Et c'est même ce que Google m'a dit quand j'ai cherché. Non, ce n'est pas Ryan Gosling, c'est juste Gosling. Donc aujourd'hui, je vous présente l'album Harvest of Gold. Gosling, c'est un groupe de pop alternative qui a été formé en 2008 à Melbourne, en Australie. Donc Gosling est formé de Helen Croom. Je ne sais pas trop si c'est comme ça que ça se prononce. Et là, je viens de réaliser que j'ai oublié de traduire mon paragraphe, donc je vais faire ça live du mieux que je peux, mais oui. T'es plus bilingue que moi. Arrête donc. Donc, formé de Helen Croom. Et elle a mis ses études de psychologie, de sociologie de côté pour se concentrer sur un bac en musique, donc en composition. En 2009, elle rencontrait les musiciens avec qui elle s'est jointe pour former la formation Gosling, donc formation, ça va ensemble. Ouais. Donc, qui sont Joshua Jones à la basse, Peter Marin au drum, donc à la batterie, et Ryan Gosling, là, c'est ça, hein, c'est là qu'il apparaît. Là. Ryan Making à la guitare. C'est le making of. Ils ont lancé déjà trois maxi. Donc, en 2009, If You Can't Whistle, en 2010, Until Then, et finalement, en 2012, Intentional Living. Et finalement, ils ont lancé leur premier album. Ça date de 2013. Okay. On vient tout juste de recevoir ça. Wow. C'était le temps, là. Ben, un peu, hein, avec un an et demi de retard. C'est complètement ridicule. Écoute, c'est vraiment des musiciens qui font important de la scène musicale australienne. Okay. Je suis vraiment contente qu'on ait ça aujourd'hui. Et on s'en va dès maintenant entendre deux premières pièces. Et je vous dis tout de suite, mes pièces préférées, ce sont les deux premières de chaque bloc. Donc, non. La première de ce bloc-là et la première du prochain, ce sont mes préférées. Okay. Et on s'en va là, entendre Big Love de Gosling, tiré de l'album Harvest of Gold. Big loves are the ones who let you down. But the little ones never fill you up. Where will wish once along with our feverish hearts a dream for a while. Never Expire de Gosling, tiré de l'album Harvest of Gold. Et on a commencé ce bloc avec Big Love. Vous êtes au poste d'écoute avec Stéphanie Mathieu, Assemblage Requis. Mais non, évidemment, Gosling, là, c'est une vedette asiatique. Là, c'est Gosling, j'imagine, hein, c'est ça, non? Gosling. Ling. Non, c'est pas ça. Non, c'est australien, toujours. Ah. Ça n'a pas changé. Écoute, sa voix vient me chercher. C'est beau, c'est mélodieux, c'est profond. Des super belles paroles, super belle musique. J'aime ça, je capote. Je suis allée visiter leur site internet et c'est vraiment le fun parce que tu peux créer ta propre pochette d'album. Hein? OK? Donc, c'est vraiment le design de leur album actuel. Donc, c'est un fond beige avec c'est le profil de la chanteuse, donc de Helen Krum. Et c'est multicolore avec des petites lignes qui passent dedans, tu sais. Je te montre à la caméra 3 en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est micro magique. c'est super beau et c'est le fun parce que tu peux téléverser la photo de ton choix pour recréer le même effet que sur la pochette originale. Et ensuite, tu peux partager la photo sur les réseaux sociaux si le cœur t'en dit. Très bonne idée. Je trouve ça vraiment le fun. Écoute, hey, on est chanceux. Ils sont en show le 21 octobre au Horse Show. Non, je me suis trompée quand je l'ai écrit parce que je m'en souviens. C'est le Horseshoe Bar de Toronto. Il faut en profiter parce qu'après leur tournée nord-américaine, ils retournent en Australie. Ah! Puis ça, c'est loin, l'Australie. Donc, Toronto, c'est pas si loin que ça. Donc, le 21 octobre, on s'en va là-bas puis on s'en va les voir. C'est sûr. Ouais, ça te tente? Ben oui. Écoute, on s'en va encore en musique parce qu'on n'en a jamais assez d'entendre Gosling. Et on s'en gosse jamais, c'est ça, Gosling. Non, c'est ça. Ouais, ouais. Et on s'en va entendre la pièce titre de l'album, c'est Harvest of Gold. Harvest of Gold. poste d'écoute. The Gosling! Et tout juste avant, on a entendu la délicieuse Harvest of Gold. Génial! Poste d'écoute. C'était bon. Merci Steph. Encore un excellent choix comme à chaque semaine. Et on se retrouve jeudi prochain à 9h pour un autre poste d'écoute. Exactement, Mathieu. Et pour l'instant, on termine l'émission ici, Steph aussi, pour la semaine au complet. Oh. Oui, c'est vrai. Oh. Mais nous serons de retour lundi entre 6h30 et 9h30. En direct à partir de 7h30. Oh. Restez sur nos ondes. Pour deux filles de style, une émission, 2-2-1. 2-2-1. 2-2-1. 2, 1. Pour du blues et du rock émergent à 9h30. Ensuite, le dîner de con à 11h. Créateur de son, la série documentaire à 13h. À livre ouvert, l'émission de littérature à 15h. Le Mathieu Plante Show en rappel à 16h. 19h, 13e étage, 21h, Radio Sonic, c'est fou.ca, assemblagerequis.com. Merci Steph. Merci Mathieu. Et on se retrouve lundi. On se quitte avec une chanson de Pandaléon. C'est Basse-Cour et à lundi. Pardon si je m'abuse. Je pars retrouver du silence qui traverse et m'amuse à séduire la cadence. Les spotlights me grugent, je l'iris. Certaines trouvent le fond du précipice. S'ennuyer du soupir de la gâchette. Retrouver le sourire d'une traite. Sourire sans mentir. Oh. Le vent venant d'une terre de mille acres fait danser les murs de plâtre. Le vent qui vogue d'un rang à l'autre me rappelle le temps d'une paix sans faute. Me rappelle le bonheur sans cause. Dans le temps comme dans le ciel.